culture. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On dirait que ma voix est comme... pas sûr de pouvoir parler, ça. OK, on laisse faire. C'est ça. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, on se mercredi 11 février 2015, je m'appelle Mathieu Plante. Moi c'est Stéphanie Paradis. Oui, j'avais pas de voix du tout dans cette intro-là, du tout. Ben non, je venais juste de me racler. Moi non plus, non, j'en avais pas. Ah, je t'aime pas l'habitude par l'intro, c'est ça, je t'aime pas. Donc aujourd'hui l'émission, Steph, on va voir Sylvie Gilbert qui va être là à 8h. Bon. Bon, parle-moi de ça, tu vas se lever debout puis activer notre santé ensemble. Pas ensemble, à côté de l'autre, mais pas ensemble. Tu vas vraiment te lever debout. Ben, je fais cette chronique-là debout juste pour avoir l'impression de faire quelque chose de ma semaine. Ah! Mensonge et calomnie! Ah! Alors, c'est de ça. À 8h30, on va parler avec Frédéric Bernard et son segment Crackpot TV. Donc, on parle de télévision, bien sûr. Une série télé qu'il a découvert récemment. Découverte, c'est ça. Et aussi, on va avoir un sexe spécial de réponse là autour de ça. Un sandwich aujourd'hui de sexiste, d'après moi, au début puis à la fin de l'émission. Oh! Ben oui. Sandwich. Mais sandwich! Mais on mangera pas. Une des rares fois qu'on mangera pas à l'émission. On mange tout le temps. mais on va débuter en musique avec Samantha Savage Smith. On écoutait de The Burn. Puis après ça, ben, on fait du gadget inutile juste après. Samantha Savage Smith et It's a Burn à Assemblage requis. Ce qui me brûle l'argent, moi, ce qui me brûle les poches. Pardon, ce qui brûle, ce qui brûle l'argent. Les poches. Hey, moi, s'il y a quelqu'un qui brûle l'argent que j'ai, s'il en trouve, je casse la gueule. Non, mais tu sais. C'est pas poli. Un peu de respect. C'est ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Mais ça ne devrait pas, on l'a, la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet pour beaucoup trop d'argent. Ben oui, ça devrait. Ça devrait. Ben, ça dépend. Peut-être ceux-là, ça pourrait vraiment être quelque chose qu'on voudrait avoir. C'est des lecteurs USB, des thumb drive, des clés USB, des comment t'appelles ça? Des clés USB. Des clés USB, dépendant. T'sais. Donc, mais qui sentent quelque chose. C'est pas c'est rien, elles qui sentent avec leur nez ou... Non, elles sentent, elles ont une odeur particulière. Oh, oh. Donc, Scented Flash Drive. Donc, celle-ci qu'on voit là, c'est en haut, Creamsicle. Oh, mais là, il est mignon. Tu sais, c'est Japanese style, là, avec oui. Des grands yeux puis une petite langue de sortie. Exactement. Tout est cute. Et en plus, en bas, on voit un peu la crème glacée vanille dépasser du popsicle à l'orange. En dessous, on a Jelly Donut. Donc, celle-là est en forme. Il faut tout le temps dire que c'est en forme de... Donc, celle Creamsicle, elle a un petit mini-bâton qui sort en dessous. Ouais, alors oui. Que Jelly Donut, c'est en forme de beign, sans trou dans le milieu, mais quand même un beign fourré. Hein. C'est ça, estoffé. À la confiture, Jelly Donut, ça dit quand même dedans. Hein. Alors, on a aussi Cola, donc en forme de bouteille de liqueur. Oh. Avec un petit peu de... Aux deux tiers bu. C'est ça, et rouge à l'intérieur et non pas brune. C'est de la liqueur rouge. Ah non, ok, on voit le dessous, c'est ça, j'avais pas vu le dessous de la clé USB. Hein? Je voyais juste le dessus de la clé USB qui se plante dans le dessous qui est la liqueur en tant que tel. Je voyais juste le rouge, fait que je pensais que c'était le liquide dedans, mais non, c'est l'étiquette de la bouteille. C'est ça. Mm-hmm. Quand même assez logique. Petit coup de cœur pour le Creamsicle, je te dirais. Oui, vraiment, vraiment. Il est vraiment mignon. Et j'adore l'odeur et le goût des Creamsicle. Ça coûte 15$ sur le site de perpetualkid.com avec frais d'envoi payé gratuit, sauf, j'imagine, à l'extérieur des États-Unis. Mais ça c'est dit que ça précise que c'est disponible internationalement. Donc, quand c'est pas à tête, vous pouvez les acheter pour 15$ plus probablement le shipping au Canada. C'est respectable. Ça, pour une clé USB, ça a de l'allure. De 4G. 4G, on l'a pas dit, t'as bien raison. Ça 4G. Va. Ouais. C'est pas vraiment pour les données que tu t'achètes ça, c'est pour plus. Le look de la ben chose. Ben oui, ben oui. Tes devoirs d'université, là, ça prend pas tant de place que ça. Hein? Tu sais, quand tu veux être sérieux, quand t'as ta thèse de doctorat sur un Creamsicle, pourquoi pas? Tu sais, 4 gigabits, t'as essayé de prendre ta porn peut-être aussi, tu sais. Ah 4, ouais? 4 gigabits, là, tu sais, c'est. Ça m'en prend plus que ça. Minimum 8 bits. 8 bits. On passe à un parapluie qui va dire à votre iPhone où vous l'avez laissé, Steph. Hein? Tu sais, quand tu perds ton parapluie, ben c'est pas une bonne nouvelle là, quand arrive la pluie, etc. Ça. Donc la compagnie Blunt nous fabrique un parapluie qui va être plus difficile à perdre. Ils sont en partenariat avec Tile. On a déjà parlé de Tile dans cette chronique-ci. C'est des petites pastilles, des petites capsules qu'on peut laisser partout qui émettent un signal pour qu'on puisse les retrouver. Donc, ils ont créé un parapluie qui intègre Tile. Ils vont pouvoir le localiser à partir d'une application iPhone. Si le parapluie est à une courte distance, vous allez pouvoir lui faire jouer un son aussi. Et l'application de Tile va vous laisser voir exactement où est votre parapluie. Donc, si vous laissez dans un magasin, par exemple, vous allez être capable de retrouver quel magasin est en possession de votre parapluie, qui vient en deux modèles. Un petit parapluie pliable, nommé le Metro XS Plus Tile, et un parapluie complet nommé le Classic Plus Style. Il va être disponible en précommande à partir de 69,99$ américains ou 87,125$ canadiens. Ils ont fait du crowdfunding l'année passée avec plus de 2,6 millions ou 3,3 millions de dollars canadiens de récolter. Tu vois, j'ai installé une petite application pour automatiquement convertir, fait que j'en profite le plus possible. Voilà, donc je suis bien fier de ça. C'est le parapluie avec Tile à l'intérieur. C'est beau, c'est bien. C'est un parapluie. Mais je trouve quand même que c'est un match étrange, parapluie iPhone. T'as raison, mais tu sais, on a plus de neige ici, moins de pluie. T'sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de parties du pays qui ont beaucoup de pluie tout le temps. Mais moi, c'est ça, j'imagine qu'au Québec, on n'utilise vraiment pas beaucoup les parapluies comparativement à n'importe où ailleurs. C'est là. Connu, on dirait. Peut-être hein? Dans le désert du Sahara. Peut-être. Mais je m'en servirais comme parasoleil. C'est vrai. Je sais pas si on pouvait peut-être créer, nous, au Québec, en crowdfunding, des gants, des mitaines, un foulard avec tout ça intégré. Avec, ben oui, la même tuile, tile dedans, pour que tout fonctionne en genre de cohérence, mm-hmm. Pour que tu perdes jamais aucun article. Ils devraient faire ça pour le marché canadien. Ou au moins dans une mitaine. Comme ça, si tu perds l'autre mitaine, tu peux refaire ta paire éventuellement. Vrai ça. Ensuite, le suivi du sommeil et le bien-être pour toute la famille avec YouGone. C'était au CES au début du mois de janvier. On a accueilli une marque française de plus sur le marché du bien-être connecté. La jeune start-up parisienne Seven Hugs a profité du CES Unveiled Paris pour dévoiler une nouvelle solution de suivi du sommeil, qui est désormais une fonction courante sur le marché du bien-être connecté. Là, ça, c'est les wearables. Le dispositif de Seven Hugs, ou 7 câlins, je pense qu'on pourrait dire, se distingue des solutions existantes. Contrairement aux bracelets de suivi connecté ou d'activités individuelles, la solution de ce nouveau venu présente pour commencer l'intérêt d'être familiale et réunit en outre des fonctions complémentaires généralement dispersées dans plusieurs appareils. Le dispositif a des capteurs mini-hugs miniatures reliés à une base centrale, le Hug One, qui est même connecté à Internet au travers du réseau Wi-Fi domestique. On peut installer un capteur par membre du foyer, y compris pour des membres qui partagent leur lit, donc deux dans le même lit, ça fonctionne. Tout le monde va être suivi séparément. Mis d'une pile, leur conférant une autonomie de plus d'un an et placé durablement entre le matelas et le drap. Les capteurs de 3 par 3 cm enregistrent chaque nuit les mouvements ainsi que la température et le taux d'humidité. Ils transmettent les données à la base qu'après le réveil au moyen d'une liaison sans fil basse fréquence. Une fois ces données en ligne, une application mobile permet de contrôler sa propre qualité de sommeil ainsi que celle de ses proches pour s'adapter le cas échéant. Selon une enquête de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, de nombreux adultes, adolescents et enfants manquent de sommeil. Et dans cet état d'esprit, la base Hug One dispose d'un voyant lumineux qui permet de signaler aux enfants quand ils doivent démarrer le rituel du coucher, comme le brossage de dents. Donc ça fait pas mal tout pour toi. C'est cool, hein? C'est vraiment le fun. Ça fait-tu un esprit? Non, mais ça mesure la pollution de l'air et des affaires comme ça. Okay. Donc, quand même pas mal plus d'options que... C'est complet. Ouais. Hug One, de la compagnie... c'est comment? Tantôt, Seven Hugs. Voilà. Ensuite, la start-up française, on reste en France, Acoustic Arts, qui développe notamment des technologies sonores innovantes, a profité du CES Unveiled Paris pour dévoiler le A, une enceinte directionnelle se prêtant à divers usages tout aussi intéressants. Donc le A est présenté comme un laser sonore, c'est un haut-parleur très directionnel émettant un faisceau conique étroit dont le diamètre est compris entre 50 et 150 cm. Il repose sur un phénomène permettant de transformer des ultrasons en sons audibles. La démonstration est parlante dans la vidéo, sans mauvais jeu de mots. Haha, divertissant. On entend le son, ça c'est blague là. On entend le son lorsqu'on oriente le haut-parleur vers soi, mais on n'entend vraiment rien autrement. Le dispositif permet de diffuser un son personnalisé et individualisé, sans pour autant avoir recours à un casque et donc sans rien porter et sans s'isoler des autres auditeurs ou du monde extérieur. Il pourrait y avoir des usages personnels ou professionnels. Mais les premières vont être professionnelles. On peut remplacer les audio-guides dans les musées, par exemple. Il y a des problèmes d'hygiène et de logistique là-dedans. Donc, par des haut-parleurs qui seraient vraiment dirigés seulement vers les gens qui sont devant la toile, par exemple. Mm-hmm. Donc, une très, très bonne idée pour ça. Le problème, des fois, c'est peut-être s'il y a beaucoup de monde puis que t'es pas dans l'angle du haut-parleur, peut-être que t'entends moins bien. C'est comme la 3D, c'est télé, tu sais. C'est comme... Ouais, c'est ça. Trop dirigé sur une personne, c'est pas mieux que pas assez. C'est que ça. Deux vaut mieux que trois sur l'heure. Deux pierres de deux coups. Ouais. J'allais dire, c'est vraiment très, très beau en alvéole. C'est très abeille, hein? Tu vois le logo alvéole jaune avec le petit logo qui fait haut-parleur. Tu sais, comme si c'était le son qui sortait, mais ça fait vraiment les lignes noires de l'abeille. Je trouve ça super beau. Est-ce que tu penses que c'est A pour abeille? Parce que s'il avait voulu un marché international, ça aurait dû être B comme B, you know? Mais on s'en fout. T'as like juste à être bilingue pour une fois qu'il y a quelque chose qui bilingue! Pourrait peut-être être en français. C'était... Mais non, c'était pas voulu. C'est pas, c'était pas drôle. Bilingue. C'est dans ta tête. Eh boy. Pas facile, le public. Maintenant, on peut taper avec un clavier personnalisé Pokémon. Wouhou! C'est le clavier Custom Pokémon Keyboard de Ingrid Pierre. Pas Ingrid Saint-Pierre? Non, Ingrid juste Pierre. Okay. C'est peut-être sa sœur de... Je sais pas. Sa sœur, mais elle n'a pas été canonisée. C'est ça, exactement. Elle n'a pas encore accompli le miracle prouvé par la science. La quoi? C'est une joke. La science. La religion. Oui, c'est ça, exact. En tout cas, ça me rappelle un article dans Zone Campus. Est-ce que la science prouve l'existence de Dieu? Réponse, pas tant, non. Donc, les lettres du clavier ont été remplacées par des images des Pokémon dont les noms débutent avec la même lettre. C'est comme un jeu d'aptitude, tu vois. Oh, okay. Et c'est codé couleur par rapport à leur type de Pokémon. Je connais pas assez ça pour te dire... c'est facile. Jaune, c'est électrique. OK. Bleu, c'est eau. OK. Le gris, c'est les normaux. vert, c'est grass, là, pelouse. OK. Après ça, orange, ben là, c'est feu. Mais pourquoi il y a un rouge à côté? Ça a l'air d'être un feu, mais super puissant. Okay. Je sais pas très bien le Pokémon qu'il y a dessus. Ensuite, quelle autre couleur qu'il y a? Ben là, le mauve. Attends un peu, mauve. Attends, mauve. Les Pokémon soyeux. Ah, Pokémon lila. Ben, je vois pas très bien ce que tu malheureusement. Bon, donc c'est ça, les touches sont remplacées par des Pokémon avec la même lettre puis dans la même dans la couleur de leur famille. Et en plus, t'as Ash qui marche d'un bord et de l'autre comme flèche. À la place d'être des flèches, c'est Ash qui marche par la gauche puis Ash qui marche par la droite. Puis les touches du numpad, du pavé numérique à droite, c'est une grosse Pokéball. Divisé en morceaux, donc c'est super cute. Évidemment, on peut pas l'acheter, mais c'est un concept. Quoi? Le Custom Pokémon Keyboard de Ingrid Pierre. En tout cas, chez Yulpe, Pikachu. Tu vas vouloir les nommer, hein? Bulbasaur. Ben oui. Charmander. Ouais. Togepi! Ok. Le Togepi, c'est le plus mignon du monde. Google cute. Togepi, tu vas capoter. Comment c'est écrit? Ben, j'imagine comme ça se prononce, là. Togepi. T-O-G-E-P-I, c'est ça? Ben, il me semble que oui. Ah, oui, ça fait qu'il est cute, il est comme dans un œuf. On ben dirait, oui. Une couche œuf. Une couche œuf, ouais, mais il y a les bras dedans. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, c'est un genre de Calimero. Oui, bonne comparaison. On va rester dans les jeux vidéo. Tu sais, Pokémon, c'est quand même une série de jeux vidéo connus. Donc, on va parler avec, d'un pendentif de nuages de Super Mario, aussi connu sous le nom d'un buisson de Super Mario. On sait que le buisson et le nuage, c'est le même dessin dans Mario. Hein? Bon, quand même. Donc, c'est un bijou. Un microcontrôleur Pro Trinket de Adafruit. Donc, on a utilisé ce gadget-là et une imprimante 3D pour faire un pendentif avec un affichage LCD de 1,44 pouces qui joue une animation en boucle. Donc, c'est les nuages de Super Mario Brothers qui éternellement scrollent de gauche à droite ou droite à gauche. On peut remplacer ça avec ses propres graphiques. Et comme on peut voir, ben, c'est un collier. Hein? Donc, les photos sur assemblagerequis.com. C'est inspiré par le Game Boy. Donc, c'est pas en forme de Game Boy, c'est plus un carré. Mais quand même, ça ressemble un peu. Et vous pouvez compléter votre design en changeant les images dedans. Vous pouvez aller voir la petite photo de démonstration sur assemblagehockey.com. Mm-hmm. C'est magnifique. Ensuite, Unbeep qui lance un badge communicateur, un peu comme Star Trek, si on veut. Donc, si vous avez déjà voulu un badge de communication comme celui porté par les personnages de Star Trek, Unbeep, un produit pour vous qui s'appelle le Onyx. Donc, c'est essentiellement un petit walkie-talkie à clip qu'on peut porter près de son visage à la place de l'attacher à la poche de ses pantalons, comme dans Star Trek. Donc, on a besoin d'un téléphone intelligent, bien sûr, un appareil mobile avec Bluetooth et accès aux données, bref, du data pour faire fonctionner Onyx. Un petit gadget léger de 1,5 once ou 42,5 grammes qu'on opère avec seulement le toucher. Il faut trouver la bonne place pour le clipser sur votre chemise. Mais quand même, la première production a débuté en décembre pour les gens qui ont précommandé. Et vous pouvez voir des photos et une vidéo aussi sur assemblagerequis.com. C'est comme un genre de... Je dirais un mini... c'est comme un bang, presque. Un mini bang. Une petite rondelle, si on veut, avec un petit bouton dessus. Avec un bouton volume sur le côté. C'est gros pour l'instant. C'est encore très, très gros comme badge. C'est vrai, c'est vrai. Ça paraît exportable. Les gens vont te poser des questions, t'sais. Ça, c'est sûr. Ben, c'est ça que tu veux. Qu'on te pose des questions quand t'as acheté un gadget comme ça. C'est ça, exact. Ensuite, c'est un gigantesque lit d'oreiller. Pour ceux qui veulent avoir l'impression de couver quelque chose, à la place de couver un rhume, comme moi, mettons, en ce moment, t'sais, qui a de la misère à parler, à la place de couver des œufs. C'est un lit qui ressemble à un nid. Et dedans, il y a des œufs en coussin. C'est le Giant Bird's Nest de OGE Creative Group. Donc, c'est une version mise à jour d'un produit qui existait depuis 2012. Il n'y avait pas les oreillers en forme d'œufs à l'époque. Je sais pas ce que ça donnait donc comme résultat, mais quand même. Et vous pouvez vous coucher dedans puis les colorer de la couleur que vous voulez. Tu vois, dans la dernière photo, ils ont peinturé ça avec des designs d'œufs de Pâques. Je sais pas si... C'est quoi? Si... c'est quelque chose que tu peux te procurer avec le design dessus, il faut que tu le fasses toi-même, ça le précise pas dans l'article. C'est pas sûr que c'est confortable, moi. Ça a pas l'air à ça. Hein. Mais c'est beau, par exemple. Faut une, faut un grand appartement pour mettre ça parce que c'est vraiment énorme. Là. Tu vois que les gens. Ben, il faut que ça soit ton lit. C'est ça, pas mal. Ensuite, c'est le plus petit jeu d'échecs en métal qu'on puisse se procurer, le Teensy. C'est donc le plus petit ensemble le plus petit jeu d'échecs en or et en argent du bijoutier Sal Knight, disponible sur Etsy pour un petit 1900 $ ou 2398 $. Voyons donc. Ouais. C'est ça. Ben, c'est juste un tout petit jeu d'échecs, très mignon, avec des petites pièces. Ouais. Pas sûr. Tu peux même pas jouer, tu peux pas les déplacer, là. C'est impossible, c'est trop petit. Si t'as une grande précision. Puis des, vraiment des petits doigts. De doigts, exact. Ça te prend. Faut que tu joues avec une pince épilée. Mm. Pas optimal. On va arrêter là, Steph. On va arrêter là. Bon, de même, là. Pif, paf. Désolé, c'est de même. J'arrête tout à court de souffle. Au retour, on va continuer avec Cindy Gilbert et Activer votre santé dans quelques instants. On va bouger avec elle, mais pour l'instant, on prend quelques messages et on vient après. À son âge, oui. OK. Dis de même. Excentricité. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. À Assemblage requis en ce mercredi 11 février, les Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plan. Oui. Dans quelques instants, Cindy Gilbert, réactivez votre santé. Mais avant ça, le ciel est noir des passagers sur C'est fou, 89 FM. Le ciel est noir. Les passagers, la pièce, le ciel est noir à Assemblage Rookie. Ah, là, c'est déprimant. Mais pourtant, le ciel est pas noir aujourd'hui. Check ça, il fait plein de soleil dehors. Première fois, il y a du soleil quand je sors de chez nous depuis plusieurs mois, tu sais. Hey, il y a plein de soleil, là. C'était pas une émission de poêle, ça, dans les années 90. Ouais, c'est pas l'émission genre religieuse, même. Ah, c'est pour ça que c'était plat. Ouais! Il y avait des enfants, des monsieur heureux. Puis... Ouais. On va vous demander justement de vous lever debout et de tout chanter en gospel la chanson thème d'Activer votre santé. J'ai abandonné en cours de route la chanson. Ah Cindy, oui. Salut Cindy Gila. Les paroles étaient difficiles. Oui, c'est ça. C'est dur à retenir. C'est pas catchy, ça, là, ben. Donc, Cindy, Activez votre santé. On fait ça aux deux semaines. Yeah. Et à chaque fois qu'on se parle, tu nous amènes un sujet des plus intéressants par rapport à tout ce qui entoure la santé. Oui. Ouais. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Hey, aujourd'hui, intéressant, tu dis. Moi, je fais une belle fleur ce matin à mon cours de gestion de problèmes métaboliques. Ah. C'est un cours que j'ai dans mon bac en kinésiologie donné par Stéphanie. Là. C'est, Pas toi. C'est un cours là que moi j'adore parce que c'est simple, c'est bien expliqué et tout ça. On voit quand même beaucoup de matière là-dedans. Tout ce qui a rapport avec des maladies qu'on peut avoir par rapport à notre santé, par rapport à... Mais pour moi, c'est un cours qu'on voit dans le bac, mais que tous les humains devraient avoir comme cours. Ah, un cours de vie. Un cours de vie. Tu sais, la santé, c'est tellement ça. Puis tu sais, c'est dommage parce que tu dis, ouais, qu'est-ce pas donné à tout le monde d'aller faire un bac, d'avoir de ce cours-là. Là. Mais moi, là, je prendrais cette matière-là et je rentrerais ça dans une école secondaire. Dans toutes les écoles secondaires, parce que c'est pas du chinois, c'est ce qu'on vit, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Fait que c'est tellement important à savoir, puis ça fait ouvrir les yeux, tu sais. J'ai moi-même des enfants, j'arrête pas de leur parler de l'aspect santé, la santé, mais c'est flou, c'est très abstrait, oui, là, oui. À cet âge-là. Fait que tu sais, c'est le fun, parce que c'est un cours qu'on peut voir ça. Fait que là, ce que je fais ce matin, c'est que je résume 3 cours que j'ai eus, donc 9 heures de cours. Ah, même pas de 9 heures. Voilà, fait qu'on a un gros programme ce matin. On va parler de l'obésité. Okay. L'obésité qui se trouve être une maladie en soi, parce que, regarde, j'ai des statistiques ici, on voit des statistiques dans ce cours-là, c'est fantastique. Non? À l'échelle mondiale, 1,4 milliard de personnes souffrent de la maladie d'obésité. C'est une maladie, l'obésité. C'est là. Quand même beaucoup. Là. 1,4 milliard de personnes à l'échelle mondiale, on rentre l'Afrique, puis tout ça, qui crèvent de faim et qui sont en sous-poids. Là. Fait que, c'est vraiment beaucoup de monde. On peut se dire un adulte sur 10 à travers le monde est obèse. Fait que si on reporte ça au Canada, aux États-Unis, c'est encore plus qu'un sur 10. Là. Fait... j'imagine le taux est un peu plus bas en Afrique. Oui, on se le c'est ça. Pas, fait que, si tu regardes à l'échelle mondiale, c'est 1 sur 10, là, ça fait beaucoup de personnes. Fait que, c'est sûr que c'est un sujet qui peut être intéressant à aborder. Puis, mettons, je vais avoir des clients qui viennent me voir, puis là, je leur annonce qu'ils souffrent d'obésité. C'est comme une claque en pleine face. Tu sais, le mot obésité, ça fait mal. Tu fais, au moins, obèse. Je pense que t'as de l'embonpoint, mais finalement, t'es obèse, morbèse. Oui, morbèse du bide. Comment t'as dit? Orbèse du bide. Ton bide est en orbite. Fait que, tu sais, ça fait mal de se faire annoncer ça, mais tu sais, en même temps, c'est quoi être obèse? Tu sais, l'indice de masse corporelle, là, l'IMC, là, quand on fait le calcul de ça, aussitôt que tu es au-dessus de 25, tu fais de l'embonpoint. Aussitôt que tu es au-dessus de 30, tu tombes dans des classes d'obésité de plus en plus importantes. Puis, tu sais, l'IMC, là, ce qui se trouve être l'indice de masse corporelle, là, c'est l'indice de ton poids par rapport à ta grandeur. C'est un petit calcul qu'on le fait. Et, tu sais, l'idéal étant de se situer entre 18 et 25. Tu sais, dépasser 25, là, ça se fait quand même rapidement. Ça, c'est le chiffre là, magique là, qui dit « OK, moi, est-ce que je commence à être en situation de danger, point de vue d'accumulation de graisse pour ma santé? » Après avoir été en situation de manger. Oui, bien, c'est ça. Voilà. Fait que, tu sais, manger peut te mettre en danger. Tu sais, ça dépend de la quantité puis de la qualité des aliments. Ça devrait être le titre d'un livre, ça. Hey, je c'est pense. Vrai, je peux écrire un livre là-dessus. Je suis sûre qu'il y en a deux genres qui se font comme ça. Sûrement. Ou quelque chose du genre, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, l'IMC qui se trouve aussi à être un indice de masse corporelle, les gens m'ont capoté avec ça. C'est un indice. C'est ça, pas ça le dit dans le nom. Oui, indice. Ça donne une idée de ça. Veut si... dire que tu peux tricher. Ben, si y a un indice. C'est que, tu sais, c'est applicable pour monsieur, madame, tout le monde, mais pas tout le monde. Les enfants, c'est pas applicable. applicable. Les personnes âgées, c'est pas applicable. Les femmes enceintes, c'est pas applicable. Les athlètes, étant donné qu'ils ont une forte masse musculaire, sont plus pesants sur la balance. Si on calcule leur poids par rapport à leur grandeur, on va dire, oh, toi, tu fais de l'embonpoint. Non. Tu le regardes, tu fais, pour la même personne qui a la même grandeur par rapport à une autre personne, qui pourrait avoir le même poids, mais il y en a un que ça va être beaucoup plus du gras, l'autre beaucoup plus de la masse musculaire. T'sais, à l'œil, tu le vois, là. Il y en a un des deux qui peut être obèse, puis l'autre qui peut être comme avec un pourcentage de graisse vraiment plus faible. Là. Donc, il faut se servir aussi de son jugement. Du jugement aussi et du pourcentage de graisse aussi, qui peut être mesuré par un paquet d'affaires, là, mais ce qui est plus facile à mesurer, c'est de prendre rendez-vous avec ton entraîneur qui va te faire un test de conditionnement physique, puis avec les plis cutanés, il va prendre les pinces à certains endroits pour mesurer ton pourcentage de graisse. Le pourcentage de graisse, c'est les mêmes chiffres magiques, il faut être entre 18 et 25, ça c'est des pourcentages de gras. Ça veut dire que faut pas être au-dessus de 25 % de ton poids corporel de plus de gras. Fait que si tu pèses 100 livres, faut pas que tu aies plus que 25 % 25 livres de gras sur toi. C'est un pourcentage. Ça va avec ta grandeur aussi. Pour avoir une idée par rapport au code d'écoute de C'est fou, on pourrait dire qu'on est, tout le monde est numéro 1 dans quelque chose. Fait que nous autres, on est numéro 1 dans 18-25 de BMI, mettons. À place de 18 à 25 ans comme les autres. T'sais, on pourrait trouver une place où on est numéro 1. Oui. C'est ça le même, c'est l'idée. Oui, tu pourrais. Il faudrait tout mettre ça sur le même dénominateur commun. C'est là. Ça. Oui, fait que tu sais, le pourcentage de graisse, ça peut donner une bonne idée. Il y a d'autres façons de le faire aussi. Tu peux mesurer ton pourcentage de graisse par... Il y a des types de balances qui existent. Balance par bio-impédance, balance de type tennis. Ça marche vraiment, ça? Il y a un pourcentage d'erreur. Ça, là, c'est quoi ce genre de balance-là? C'est que tu embarques dessus. Ils vont te passer un induit, comme un courant électrique que tu ne sens pas, non? OK, il va passer pas électrocuté avec ça. Ça ne vient pas avec un brushing de l'enfer. Mais ça passe un courant électrique pour voir la résistance du gras que tu as dans ton corps. Fait que plus qu'il y a de résistance quand le courant va passer, plus que ton pourcentage de graisse va être élevé. La seule chose, c'est que cette résistance-là peut être biaisée par plein d'affaires. Tu sais, par exemple, si tu as bu beaucoup d'eau avant, l'eau qui est un conducteur, ça peut nuire parce que ça va faire l'effet inverse. Si tu as bu du café, si tu as fait de l'activité physique, tu as plus de rétention d'eau. Dépendant de l'heure dans la journée que tu vas le faire aussi. Fait que c'est sûr que ça, ça donne un indice, mais c'est pas aussi fiable que les pinces parce que tu peux avoir une marge d'erreur dépendant de ce que tu as fait dans la journée, ce que tu as mangé, de la fatigue et tout ça. Il y a une mesure qui existe encore plus poussée, là, qu'on possède pas ici à l'Université de Trois-Rivières, mais qu'il y a dans d'autres universités. Là, c'est la pesée selon... comment on appelle ça? C'est avec la pesée hydrostatique. Tu plonges le corps au complet dans l'eau, puis il mesure le déplacement de l'eau. Puis là, ça va donner... Ça, là, c'est précis. Là, tu peux pas te tromper. Là. Ça donne exactement ton pourcentage de graisse. Ben, c'est encore là, trop... T'as les moyens, ça coûte cher d'avoir ça. Oui, j'imagine. Ouais. Tu peux pas faire ça dans une piscine. Non, c'est ça. Tu peux pas... Oui, c'est ça. C'est comme un bassin, là, mais c'est tout adapté pour ça avec l'équipement. Là. Fait que ça, c'est une autre façon de le voir aussi avec le pourcentage de graisse. Il y a BodPod aussi qui existe, qui est encore attaché-tuc au niveau des coups. T'embarques dans une machine, puis ils font la même chose avec l'air. Ils mesurent le déplacement d'air dans la machine qui est fermée là, de façon hermétique pour voir ton pourcentage de graisse. C'est intéressant, mais c'est pas accessible à monsieur et madame tout le monde. Ouais. Puis après ça, tu peux mesurer ton avant-après, mais repaye pour ton après. Ouais, c'est ça. Tandis que souvent, les tests de l'évaluation de la condition physique, ça vient le avant-après, puis tu peux mesurer tes progressions là-dedans aussi. Un peu plus accessible. Oui, c'est ça, un petit peu plus accessible. Ce qui est le fun, c'est de se faire tremper directement dans la friture. Ah! Ben, à la place de l'eau. C'est ça. C'est plus facile, plus efficace. Tu peux te manger le bras après. Ah oui. Est-ce que ça fait augmenter ton pourcentage de graisse? Oui. Et niveau de cuisson, peut-être. Et un autre truc aussi qu'on peut vérifier, tu sais, au niveau de l'obésité, c'est sûr, le pourcentage de graisse, l'IMC, ça donne une bonne idée. Mais au niveau de la répartition des graisses, le tour de taille, qui donne une fichue bonne idée aussi du niveau dans lequel tu peux être en danger, d'avoir un jour là, des maladies ou de souffrir de maladies cardiovasculaires. Le tour de taille, les graisses qui sont accumulées au niveau de l'abdomen, c'est des graisses qui peuvent être plus dangereuses pour la santé. Fait que c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on va faire souvent aussi, prendre les tours de taille. Chez la femme, ce qu'on ne devrait pas dépasser, c'est 88 cm de tour de taille. Et chez l'homme, c'est 102 cm. Passer ce chiffre-là, on a plus de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires. J'imagine que ça aussi, ça marche pas pour les femmes enceintes. Ça marche pas pour les femmes enceintes, effectivement. Moi, je pense que la raison que j'ai un tour de taille comme ça, c'est parce que j'arrête pas de faire des tours de taille. Comme dans « Je vais chez Taille Express », puis « Je vais chez... » C'est mon tour de taille, je fais ça. OK. Ben oui. C'est juste bon. Elle est bonne, c'est bon. Mon d'une qualité discutable est une présentation de Mathieu. Ben, c'est mon quatrième aujourd'hui. Ben, ça va aller de mieux en mieux. Ben, matin, merci. Soirée, on aime ça. Ça c'est le flegme. Ça détend. Je pense que tu l'inspires, Cindy. Oui, je sais pas que je ne fasse à ça. tu sais, ce tour de taille-là, justement, là, que tu parles, là, que toi, là, c'est, on appelle ça la graisse viscérale. Le gras viscéral est un gras plus dangereux pour la santé que la graisse sous-cutanée qu'on retrouve un petit peu partout dans notre corps. Dans les mollets, en arrière des oreilles, en arrière du triceps. Ça, c'est de la graisse qui est dérangeante parce qu'on trouve pas ça beau, mais c'est moins grave pour la santé que la graisse qui est accumulée au niveau de l'abdomen. Puis il y a une autre graisse encore plus dangereuse, la graisse ectopique, qui se trouve à être accumulée au niveau des organes. C'est proche de nos organes internes, c'est encore plus dangereux pour la santé. Ça, on peut pas le mesurer comme ça avec un ruban, là, mais on se dit que c'est une graisse qu'on essaie de pas avoir là. On peut-tu s'en débarrasser de façon spécifique? Non. Mais c'est bon à savoir, il y a différents types de gras qui peuvent nuire à ta santé. Puis c'est sûr que plus la personne, ça va avec, plus la personne va être obèse, c'est sûr que automatiquement, plus que son tour de taille pourrait être élevé. C'est sûr qu'il y a des femmes, par exemple, qui vont accumuler plus au niveau des hanches. Elle sera pas plus satisfaite de sa composition corporelle à l'œil, mais elle va être moins en danger que la femme qui accumule au niveau du ventre. Okay. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie du... t'es faite comme ça, t'accumules comme ça. Tu sais, au niveau là, du côté dangereux de l'obésité, 3,4 millions d'adultes par année en meurent dans le monde. C'est fou, ça fait quand même beaucoup. Ça tue plus, l'obésité tue plus dans le monde que la famine. On fait des campagnes de fonds, de collecte, tout ça là, pour la famine dans d'autres pays. Là, on devrait faire une campagne de fonds pour la prévention de l'obésité. Ouais. Dans notre société. Fait que dans le fond, à Noël, en même temps que la guignolée où on donne des boîtes de nourriture à des gens qui ont faim, on va chez les gens qui ont trop de bouffe, on leur enlève des boîtes de nourriture. Oh, oh mon Dieu! On appelle ça la grignotée à la place de la Mais tu sais, on rit, mais faire une campagne de prévention, puis c'est ce qu'on gagne. Il y en a plein, il en existe plein, là. C'est ce qui pourrait nous aider, en grosse partie, à diminuer les coûts dans les hôpitaux. Tu sais, l'obésité en tant que telle, là, ça peut t'amener un paquet de maladies dont, il y en a plein, là, le diabète de type 2, la haute pression, les problèmes de cholestérol, les problèmes de des santé là, cardiovasculaire, tous les troubles musculo-squelettiques. Un gros mot qui veut dire tous les bobos qu'on peut avoir parce que notre corps est trop pesant. Les douleurs dans le dos, les douleurs dans le cou, les douleurs dans les genoux, tout ce qu'on a besoin de se faire traiter à l'hôpital qui coûte des coûts à la société en faisant des campagnes de financement, pas de financement, mais de prévention, ça l'aide à prévenir ça, ça l'aide à prévenir toutes nos visites à l'hôpital et oui, à diminuer de façon incroyable là, les coûts d'hôpitaux. Là. On le sait, c'est difficile à faire, c'est difficile à... Mais plus qu'on va prévenir, plus qu'on va sauver en frais d'hôpitaux. Ça, c'est fou. Mais c'est ça, parce que dans le fond, j'imagine, plus il y a de prévention, plus tu vois ça tôt dans ta vie, donc plus ça devient normal et t'es sensibilisé de façon naturelle à ça. C'est juste que qu'est-ce qui est difficile, c'est au même titre que les enfants, on parle de santé, tant qu'on n'est pas atteint, tant qu'on a un surpoids, ça nous dérange parce qu'on se trouve pas cute, mais qu'on n'a pas de problème de santé, on bouge pas. Ça prend un petit coup de pied. Ça prend notre médecin qui nous le dit. On vit facilement dans le déni, je pense. Un événement là, déclenchant qui dit, bon, mais là, go, je me prends en main. Là. Les causes de l'obésité, à cause de quoi qu'on peut devenir obèse? Je pose la question, je suis sûr que vous avez des réponses. Moi, j'ai répondu mon tour de taille express tantôt. Ouais. Mais qu'est-ce qui pourrait causer ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une... Oui. Tu sais, la première affaire, là, c'est le déséquilibre. Tu sais, la fameuse là, balance, je ne parle pas de balance là, de pesanteur, la balance là, du... Le signe astrologique. Oui, le signe astrologique. Okay. C'est moi, ça? Oui. Ah, t'es une balance. Oui. Oh boy. Oh boy. Attention à ta taille. Rien plus à dire de plus que oh boy. Oh boy. C'est mal parti. La différence entre ce que tu dépenses dans une journée par rapport à ce que tu absorbes dans une journée, ça, je pense que je vais en parler dans toutes les chroniques. Ouais, je vais dire, à tous les jours, j'en parle. Ce que tu vas dépenser dans ta journée par rapport à ce que tu vas manger dans ta journée, c'est ce qui va faire la différence si tu vas accumuler du poids, si tu vas maintenir du poids ou si tu vas perdre du poids. Ça, c'est le début, c'est ça. Ça, ça fait partie du concept de la vie. Tu vas aussi t'endetter. Hein? Les tu dépenses de l'argent sur du fast-food, puis ça. Tu vas prendre du poids. Oui. Ça, c'est mon expérience. C'est comme t'acheter du gras puis que tu te le pluguais directement sur toi. Ouais. Ça coûte cher d'aller. C'est dégueulasse. C'est pas ça qui se passe. Hein? C'est des trucs qu'on a envie de manger. On a envie. On se pluguerait tout pas de façon volontaire. Dans la dépense de calories dans une journée, là, ce qui est bon à savoir, c'est que notre corps en tant que tel, tu sais, sur l'échelle, mettons, on se dit 100 % de notre dépense calorique là, en 24 heures, il y a 60 % de notre dépense calorique qui vient de notre métabolisme de repos. Il y a 60 % des calories qu'on brûle en 24 heures qui va servir, tu sais, quand on est assis sur notre divan, là, que l'énergie que ça nous prend à entretenir nos muscles. Fait que c'est pour ça qu'on dit que plus qu'on a une forte masse musculaire, plus qu'on a un métabolisme élevé, plus qu'on brûle les calories au repos. Ça fait partie du métabolisme de repos. L'énergie que ça nous prend d'entretenir, de respirer, d'entretenir nos organes, de digérer, de tout ça, ça fait partie du métabolisme de repos. Dans notre 24 heures, ça fait partie du 60 % de notre dépense de calories. Ensuite, si on continue dans l'échelle pour atteindre notre 100 % il y a un 5-10 % qui est pour la thermogenèse des aliments. En gros, ça veut dire quand on mange des aliments, ça nous demande de l'énergie, de la chaleur à dépenser ce qu'on a absorbé. C'est pour ça qu'on dit des fois, il y a des aliments qui nous font perdre un petit peu plus de poids et tout ça. Un peu, c'est parce vrai. Ils prennent plus d'énergie à digérer. Fait que tu sais, il y a une liste là, d'aliments avec. Mais encore là, ça veut-tu dire de manger juste ça? Non, ça ne fait pas une si grande différence que ça. On est déjà entre 5 et 10 % là, du total de notre journée. L'autre 30 % ça, c'est le gros morceau là, de ce que nous, on peut modifier dans notre quotidien, c'est l'exercice physique et nos habitudes de vie physique. C'est juste 30 % hein, du 100 % de la journée qu'on peut faire en dépense énergétique. Et ça, on a le contrôle là-dessus. Là, j'ai une question pour vous autres. Est-ce que ce 30 %-là, on peut le faire en une heure d'entraînement par jour? Moi, je m'en vais au gym, là, 7 jours par jour. Ouais, une heure par jour. Est-ce que ce 30 %-là, dire, moi, je m'en vais au gym, là, je l'atteins, ce 30 %-là, en une heure? Ça me semble bien. Une heure par jour, 7 jours semaine, c'est 7 heures par semaine, ça a l'air pas pire. Ça fait quand même. Tu sais, tu dis, mon Dieu, mais c'est énorme, hein, quelqu'un qui va s'entraîner. Oui. Déjà, on va dire 7 jours par semaine, c'est trop, ça peut être bon d'avoir une petite pause, là, une journée, 3-4, peut-être, on a dit ça, non? Oui, bien, tu sais, pour être capable de le mettre dans notre quotidien, si on est déjà capable de viser 3-4, c'est bon. Reste que la recommandation est 5 jours par semaine. Okay. Minimum 30 minutes par jour d'activité physique. Tu sais, ça, c'est ce qu'on devrait faire en tant qu'être humain. Sur 24 heures, bouger 30 minutes. Tu sais, c'est dur, hein? Ça vous allume-tu une petite cloche? 5 jours par semaine, 30 minutes? Ça vous fait-tu penser à quelque chose? Ben... Le défi 5-30. Oui! Ah, oui. Je pense que c'était à dire, genre, venir travailler à pied 5 jours par semaine. Non, mais fais, oui, t'sais. Mais ça, c'est un truc. C'est pas mal ça, madame. Mais le défi 5-30, c'est ça, là. C'est de dire, tu sais, donner, bon, ben là, gars, ça, il arrive dans pas long. Hein. Le défi en plus, là, c'est de dire, c'est d'essayer de remettre dans nos habitudes de vie, bouger 30 minutes par jour, au moins 5 jours par semaine. Mais ça, là, est-ce que ça devrait durer juste 6 semaines? Tu sais, hey, yes, mon défi est fini, puis je m'en retourne chez nous, c'est fini. Ben, je vais me chercher mes croquettes. Ouais, tu sais, puis souvent, on fait comme non, ça, ce défi-là, c'est pour pouvoir mettre ça dans nos habitudes de vie parce que c'est qu'est-ce qui est recommandé pour nous, là, pour nous aider dans notre santé. Fait que, mais tu sais, c'est difficile de le mettre, de le plugger, mais c'est difficile parce qu'on prend pas le temps de le mettre à notre horaire parce qu'on fait passer plein d'autres priorités en premier, là. Fait que ça, c'est le défi 5-30, c'est nos recommandations. Là, mettons qu'on revient à notre 30 % de « je bouge ». Tu sais, si moi, là, je fais un, OK, mettons un topo de « je me lève le matin ». Bon, je déjeune, je prends le temps de préparer mes petites affaires, tu sais, je déjeune assis, en général. Ouais. Après ça, je prends ma voiture, je m'en vais travailler. Bon, on n'a pas de trafic ici à Trois-Rivières, fait que mettons qu'on se dit 15, 20 minutes d'auto. Ouais, c'est relatif, là, mais mettons que c'est moins pire qu'à Montréal, on n'a pas de 2 heures de trafic. Ça, mettons qu'on le temps dit, pour la moitié d'une chronique, mettons. Ouais, 15 minutes, 30 minutes de voiture. J'arrive à mon travail qui... pour la plupart, et plutôt sédentaire. T'sais, on peut rester assis, travailler devant un ordi et tout ça. Fait que, bon, pendant 4 heures de temps. Ensuite, arrive l'heure du dîner où ce que je m'en vais. Je me lève, je vais chercher mon lunch, je me rassois pour manger. Et ensuite, arrive l'après-midi où ce que je continue de travailler encore 4 heures assis. Ensuite, ma journée est terminée, je reprends ma voiture, 15 minutes, 30 minutes assis, je retourne à la maison. Ouhou, je prépare mon souper debout. Oui. Et ensuite, je me rassois pour le manger, je prends mon bain, fait que général assis, ou une douche debout. Ouhou. Et après ça, pour relaxer ma journée, je m'installe devant mon Facebook et ou devant la télé. Ouh, assis, hein? Ça aussi. Assis, règle générale. Ça, c'est... une journée qui peut ressembler beaucoup à la journée de monsieur, madame, tout le monde. Ouais. C'est... Puis là, c'est savoir, est-ce que, tu sais, dans cette journée-là, on n'a pas été s'entraîner du tout, du tout. Là, la personne dit, oui, mais moi, je m'entraîne 5 jours par semaine, 1 heure de temps. Là, je reprends la même journée, mais au lieu de retourner tout de suite chez nous, le souper, tu sais, pour aller souper, je m'en vais m'entraîner. 1 heure de temps. Belle grosse activité physique. Puis là, on dit à ça, on rajoute, je dors 8 heures par nuit, fait que je suis 8 heures couchée. Est-ce que cette personne-là, qui va s'entraîner 1 heure par jour avec toute cette journée-là, est une personne active ou une personne sédentaire? La personne qui va pas s'entraîner, on le sait, c'est dentaire, c'est évident. Ouais. La personne qui rajoute une belle grosseur là, d'entraînement là, à s'entraîner à fond la caisse, est-ce qu'elle est active ou sédentaire? C'est dur à dire. Hey, c'est dur. On dirait comme sédentaire, mais avec une petite poussée d'énergie, je sais pas. C'est comme semi. C'est la différence entre une personne sédentaire puis une personne sédentaire qui va faire de l'activité physique. Ouais. Cette personne-là qui a ce rythme de vie-là est sédentaire. Tu te dis, bien, colline d'affaires, je m'entraîne à tous les jours, mais mon rythme de vie, mon mode de vie, mon emploi fait en sorte que je suis une personne sédentaire qui fait de l'activité physique. Pour toi, il faudrait qu'il n'y ait pas de Facebook, pas de TV, après, tu vas faire du basketball. Bien, bouger, mais encore là, là tout là, le 30 % de dépenses d'énergie, là, c'est tout ce que vous pouvez faire dans la journée. Ça ne veut pas dire change de job si tu travailles devant ton ordi, mais tous les micro-mouvements que tu peux faire. Là. Ouais. Tu sais, les personnes qui bougent, la personne qui est sédentaire, qui est assise devant son ordi puis qui ne bouge pas, va avoir une différence avec la personne qui est assise devant son ordi, qui va se relever pour aller chercher un verre d'eau, qui va bouger, qui... Toutes les micro-mouvements, ouais. Les micro-mouvements que tu peux faire dans une journée vont faire la différence sur ta dépense de calories à la fin de ta journée de façon considérable. Si prendre l'escalier à la place de l'ascenseur. Ouais. Oui. Tu sais, dans ta pause, là, à l'université, là, t'es dans ta pause, là, mais là, au lieu de rester assis ou de, bon, aller aux toilettes puis revenir t'asseoir, monte-les les quatre étages. Expérience vécue, j'ai fait ça trois fois dans mon cours. Je l'ai juste testé. Là, j'avais comme un surplus d'adrénaline dans mon cours de maths. Toi, ça? Ben oui. Incroyable. Fait que là, je suis arrivée dans la pause que j'ai dit « Hourra! » Puis là, mes collègues me regardaient d'une façon étrange aussi. Je suis allée monter puis descendre les escaliers trois fois. Je suis revenue, là, houhou! Ouais, j'avais, ouf, là, j'étais prête à ressortir. Ça réveille, surtout d'un cours de mathématiques, t'as besoin de... J'étais moins verte, le reste de mon cours aussi, j'étais plus allumée. Puis encore là, j'ai augmenté. Le transport aussi, même affaire, le transport passif qu'on a. Quand on a la possibilité, quand on a, je dis bien, là, parce qu'on le sait qu'il y a certaines rues à Trois-Rivières, exemple Notre-Dame-Ouest, dans le bout de Pointe-du-Lac, où ce que tu prends ton vélo, tu es en danger de mort. Ouais, tu sais, si tu as la possibilité de te rendre, toi, tu te dis, Mathieu, tu te rends à pied. Moi, c'est plus par obligation que par choix, mais oui. Oui, oui ben, regarde, je fais pareil. Ça fait en sorte que tu dis à peu près 30 minutes à dans peu ta près, journée. L'hiver, c'est pas mal 30 minutes. T'sais, ça t'aide à rester actif en tant qu'être humain, puis à prévenir un paquet de maladies, à prévenir l'obésité aussi, le fait de bouger, puis de tenir actif. Mais tout ça, là, ça compte. Là. Aller stationner sa voiture plus loin à l'épicerie pour te rendre. T'es pris dans le stationnement du gym où ce que tu vas, puis que là, tu dis, mon Dieu, je suis obligée d'aller me stationner plus loin parce que trop de monde à l'heure que je vais. Puis là, tu chiales. Hey, c'est terrible. Mais non, mais tu bouges plus, tant mieux. Toutes les petites occasions, pas prendre l'ascenseur, prendre les escaliers, toutes les occasions que tu as dans ton 24 heures pour bouger. Ça veut pas dire nécessairement de faire des jumping jacks sur place. C'est d'activer ta façon de bouger. Plus ça va t'aider. D'où s'acheter un podomètre. Oui, ben oui. Tu sais, tu dis, c'est quoi cette affaire-là? Non, tu le mets sur toi, puis ça t'engage. Tu vois, tu sais, on dit pour une personne active, tu sais, on vise qu'une personne marche à peu près 10 000 pas dans une journée. C'est tu beaucoup. L'essaies. C'est beaucoup. C'est beaucoup, hein? Oui, oui. Moi, j'ai mon petit bracelet qui prend ma dépense calorique de la journée, mon sommeil, les pas que je fais. Puis je marche pas beaucoup tant que ça, puis je vais quand même m'entraîner, mais je reste sédentaire justement parce que j'atteins vraiment pas mon 10 000 pas. Oui, donc c'est ça. Fait que tu dis, puis l'augmenter, puis ça, c'est le fun. Tu peux dire, ben gars, moi, mon objectif, là, c'est de prendre ça puis d'essayer d'augmenter mon nombre de pas de 500 par jour. Tu sais, ça peut être une façon de te l'amener. De prendre une rue de plus avant d'aller chez vous, mettons. Ah, ouais. Juste un petit ou tu dis, mettons, là, tu es en train de faire la chronique, Mathieu, ouais. Le temps que je parle, là, tu pourrais te lever et t'asseoir sur ta chaise. J'ai dit que je faisais ça tantôt. Ça, t'es en train de briser le mythe. Ah, pas game de le faire tout de suite. En tout cas. Fait que voilà, ça, ça fait partie du 30 % aussi là, de on bouge, on se tient actif. Fait que tu sais, c'est la différence entre la sédentarité, le fait de faire de l'activité physique et tout ça. Fait que oui, il va t'entraîner, mais oui, les 23 autres heures de ta journée vont faire toute la différence. Puis on revient avec l'alimentation aussi, que j'en ai déjà parlé beaucoup. Ça aussi, ça va faire 70 % du chemin au niveau de ta perte de poids, au niveau de ta dépense de calories. Ça, faut pas l'oublier aussi. Il y a des facteurs que je veux parler aussi, des facteurs individuels. En dedans de nous, là, au niveau de la perte de poids, on le sait, il faut bouger plus, manger mieux. Là. Mais j'ai des clientes quand même qui bougent tous les jours puis qui suivent un beau régime de vie au niveau de l'alimentation puis ne perdent pas de poids. Des fois, très souvent, ça peut se passer entre les deux oreilles. Puis ça peut être mesurable. C'est très difficile, mais il y a un paquet d'études quand même qui sont là-dessus. Là, les gens qui sont stressés. Le stress, qu'est-ce que ça peut engendrer? Là, la sécrétion du cortisol. Le cortisol, c'est comme le méchant. Okay. C'est le méchant dans ton corps qui fait en sorte que, bon, ce que ça fait, ça inhibe la sécrétion d'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Bon, ça, c'est une parenthèse là, pour dire que quand que t'es stressé, tu sécrètes la méchante hormone qui va faire en sorte que tu vas avoir plus faim. Ah. Tu sais, ça, c'est, j'ai sorti des beaux mots, là, mais tu peux avoir plus faim à cause du stress. Puis c'est pas juste, tu sais, ah, j'ai faim, puis c'est hormonal. Ça vient déclencher. C'est un peu le je mange mes émotions, ça oui, vient. Oui, voilà. Fait que, tu sais, d'où l'importance. Oui, t'as le côté psychologique, mais oui, ton côté psychologique peut venir jouer sur tes hormones et faire en sorte que tu manges plus aussi. Puis on parle aussi du métabolisme des lipides qui fait en sorte que tu stockes plus facilement les lipides, des gras sur toi à cause du stress. Ça peut engendré par ça. Comment contrer ça? Bien, trouver des façons pour gérer son stress. C'est pas nécessairement évident, là. C'est ça. Puis, si on a de la difficulté, là, on n'attend pas d'être fou hein, pour aller consulter. Il y a des psychologues qui sont vraiment pour ça, pour les troubles alimentaires, pour le stress et tout ça. On a le droit d'aller chercher de l'aide extérieure. Puis, des fois, c'est ça qui va nous faire débloquer. Mais mettons que c'est pas juste le stress, puis c'est, mettons, la chasse-galerie fait des ailes de poulet les soirs de semaine. Ah, on parle d'alimentation, là. L'odeur est comme vraiment dans notre bureau tout le temps. Fait que ça m'oblige un peu à aller mâcher des ailes de poulet, mettons. C'est difficile. Tu sais, tu pourrais te dire, là, une fois par semaine, je vais aller en manger. Peut-être pas le panier au complet, là, mais tu te permettre quand même, parce que, bon, tu sais, si tu dis j'arrête à 100%, tu reviens fou. Ben, c'est ça. Tu peux juste en garder un petit peu. Fait que, mais on reste encore dans l'alimentation. Mais ils en font le mardi, mercredi, jeudi. Fait que là, ça fait comme trois fois dans la semaine que je suis tentée. Oui, mais faut faire un choix entre plusieurs aussi. Oui. Puis, tu sais, un autre facteur de l'obésité, là, facteurs socio-environnementaux, qui rentre exactement dans ce que tu dis, là, dans notre société, là. Tu sais, gâteau ici, là, à la chasse-galerie. C'est pas correct. Non. Notre société est pas correcte. Correct. Tu t'en vas te promener sur. Là, tu dis, moi, je fais attention à mon alimentation. Tu vas te promener sur des récollets ou des forges. Là. Là, tu vois, là, plein de fast-food. Ou tu t'assois le soir, là, tu dis, ce soir, je vais faire attention Tout le monde boit de la bière. Hey, pis là, oui. Puis là, tu vois les annonces à la télé, tout ça. Là, tout notre environnement est autour de ça. C'est sûr que ça, c'est difficile. Ça prend beaucoup, beaucoup de volonté. Mais je suis mou en maudit. Ah, c'est dur. Mais ça fait partie de notre société. C'est dur pour tout le monde. Si tu vas au restaurant avec un groupe de personnes, puis tout le monde essaie, on mange de la cochonnerie, de la poutine, puis tout ça, ben tu vas manger de la poutine puis des cochonneries. C'est ça, mais si tu t'en vas avec des amis, puis ils se prennent des belles salades, des grillades, tout ça, tu prendras pas ta poutine, t'auras même pas le goût de la prendre. Non, c'est ça, t'es pas porté à prendre la poutine, t'es porté à suivre le groupe puis à vouloir bien manger puis tout ça, parce qu'on est très influençable, mais de façon positive aussi. Mm-hmm. Fait que c'est savoir s'entourer aussi, faire des choix... judicieux. Oui, ça, c'est notre société, puis c'est... Hey, moi, je regarde l'heure, là, puis je regarde le nombre de pages qui me reste à vous parler d'obésité. C'est vraiment là. Les pages pour la chronique de cette semaine? C'est beaucoup de pages. Hey, moi, c'est tout ce que j'ai le goût de faire. J'ai le goût de dire à suivre pour le reste la semaine prochaine. Cool. Parce que là, sinon, là, en deux minutes, là, j'essaierai de vous bombarder d'affaires. Puis, tu sais, là, j'ai essayé de vous résumer 9 heures de cours qui, mon professeur, a résumé elle-même toutes ces données à propos de l'obésité, tout ça. C'est un sujet qui est intéressant. Hein? Il y en a beaucoup à apprendre là-dessus. Fait que moi, ce que je vous suggérerais la semaine prochaine, on continue ça. Ça vous tente-tu? Dans deux semaines, ça, on apprend. Dans deux semaines. Oui, oui. Non, viens la semaine prochaine. Oui. Ah, ouais. Avez-vous envie? On mais oui, parce que, gars, c'est un sujet tellement important. La semaine prochaine, là, je vais vous parler de d'autres trucs aussi qu'on peut faire pour aider à contraindre l'obésité, les causes, les maladies, tout ce qui peut venir avec ça. Je vais vous parler de d'autres habitudes de vie qui peuvent faire en sorte qu'on peut devenir obèse. Je vais vous parler de chirurgie bariatrique aussi. Oui. Je vais vous parler de moyens, de traitements et tout ça. Fait que je vais essayer de mettre de la viande autour de ça en continuant là-dessus la semaine prochaine. La petite sauce brune. La petite sauce brune autour de ça. Dans deux semaines, c'est les mercredi à 8h, Activez votre santé avec Cindy Gilbert. Merci. Yes. Hey, merci vous deux. Bonne journée. Salut. Bye. On écoute Viet Cong avec Silhouette parce que c'est ce qui va peut-être changer. Ah, ben fait, oui, voilà. Le travail. Assemblage requis. Take. Viet Cong et Silhouette, c'est numéro 2 du palmarès anglophone de C'est fou. On prend une pause au retour, ce sera Crackpot TV avec Frédéric Bernard. Ouais. Yeah. Yeah. On parle de TV, c'est cool ça. C'est vraiment le contraire exact de ce qu'on a fait avec ces 10. On a bougé, là on s'assoit et on s'évache. Ah ben, après ça. C'est mon bout préféré. Fou de chansons. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon, vous êtes toujours Assemblage requis. On est mercredi, on est le 11 février 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah, en effet. Dans quelques instants, on va switcher la TV sur le On Channel 3, là. Channel de Peace Power. Ça, c'est l'input, pour la Crackpot TV avec Frédéric Bernard. Mais avant ça, on va synthétiser un kaléidoscope. Tu sais, comme l'affaire avec les formes dedans, ça. Hein? Fait que tu peux pas vraiment comme. T'es jamais sur le poste avec un kaléidoscope, finalement. Oui, mais t'es sur plein de postes en même temps. Ah, voilà. Donc, c'est Stéréosaure qu'on écoute à l'instant, Assemblage requis. Ça, c'est fou. You about. Be creative in the things that you always used to dream about. Be creative in the things that are happening around you. Everything counts. Every little reaction can start a chain reaction. Seize the day, carpe diem. Now is the time, enjoy yourself. Be creative in the things that you don't want to even talk about. Be creative in the things that your teachers used to laugh about. Be creative in the things that you always used to dream about. Be creative in the things that are happening around you. Potential. Potential. Du potentiel. Be creative de Chris Burkett, assemblage requillage. Justement, c'était Stéréozard et Kaleidoscope, deux pièces de suite, parce que Caroline, on a besoin de se mettre en forme avec de la bonne musique de même pour pouvoir aller directement à Frédéric Bernard, ouvrir la TV, puis se mettre nos fesses directement sur le divan. C'est crackpot TV. Fouf, pas dans TV, ça des, pas, des traces. Pas dans l'écran. Mettre les fesses dans. Ben c'est, je sais pas, c'est comme un photocopieur. Je sais pas. Tout le monde va voir tes fesses. C'est ça. Go. Crackpot TV, Frédéric Bernard, bonjour à toi. Ben bonjour Mathieu. Mathieu, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On fait pas de la radio, on fait de la TV presque. Presque de la télé, on va faire beaucoup de télé aujourd'hui. Beaucoup de télé parce qu'on fait un blitz! Un blitz! On fait un blitz, alors j'ai fait un blitz, j'ai fait plusieurs catégories dans lesquelles j'ai réuni des séries télé. C'est comme un gala, moi je suis tout excité. Plein de séries que je connais là-dedans, tellement de choses à dire, on en a pour 2 heures. Génial! Que... T'as jusqu'à 9h30. oui, c'est ça. Le blitz, alors comment j'ai fait ça? J'ai vraiment fait des différentes. Bonjour Stéphanie. Allô. Je l'ai vu qu'elle me regardait du coin de l'œil, mais je vais vous il faire. Où mon bonjour. Non, c'est ça, mais je vais être poli avec Stéphanie aussi parce que je vais vous faire interagir aujourd'hui aussi dans la chronique. Cool. Vous allez être un peu. Si c'est pas bon, ça va être un peu de votre faute aussi aujourd'hui. Ah, bon. Ok, bon. Super. À date, c'est pas mal toujours de notre faute quand c'est mauvais. Alors, dans le fond, le blitz, comment j'ai procédé, c'est que j'ai fait différentes catégories dans lesquelles j'ai réuni les séries télé. Je vous les nomme tout de suite. Alors, j'ai fait les séries qui, selon moi... OK, on s'entend, j'ai mis 3 séries par catégorie. Okay. La première catégorie, j'ai mis les incontournables. On s'entend qu'il y en aurait 1000. Il y en aurait beaucoup de séries télé. Ah, c'est ça qu'on dirait qu'il faut les écouter. Donc, j'ai mis des séries, j'ai été vraiment avec un jugement personnel. Des séries que moi, j'aime beaucoup, que je juste... qui sont incontournables, mais attendez que si vous n'entendez pas la série... Chambre en ville n'est pas là-dedans, mettons. Non. Pourquoi pas? C'est clair que ça a été l'incontournable pour quelqu'un. C'est sûr. Oui, mais c'est ça. Si quelqu'un aimait Chambre en ville, ben peut-être que dans un top de quelqu'un, il est dans un incontournable, mais on peut quasiment le considérer incontournable. Là. Tout le monde sait c'est quoi. Là. C'est comme Virginie, malheureusement. C'est ça. Virginie, je crois. Donc, j'ai fait les incontournables. J'ai fait les séries qui sont mortes dans l'œuf. Alors les séries, des très bonnes séries, des très bonnes idées, mais qui ont pas dépassé la saison 1 ou la saison 2. Ah, oh, ça, j'en connais. Il y en a des tonnes. Ah, il y en a des tonnes. J'en ai une principalement qui m'a brisé le cœur. Ma règle, c'était je ne mets pas plus de 3 séries. Parce qu'il y a des tonnes de séries que je peux mettre dans les différentes catégories. Sauf elle, j'en ai mis 4. Pour vous dire à quel point il y en a, là. Elle, j'en ai mis 4. Ouais, je sais. Il était riche à ses propres règles. Je me mets à moi-même. J'ai fait les séries aux concepts étranges qui sont à venir ou qui sont récentes. Alors, j'ai mis 3 séries dans les séries que j'ai vues. On va en parler, on va en jaser de quoi ça a de l'air. Alors, qu'est-ce que ça nous inspire de ces séries-là? Et oh mon Dieu, qu'il y en a des spéciales. Mm-hmm. Et j'ai mis les déceptions. Alors, 3 séries qui sont un peu les navets, finalement. J'aurais dû appeler ça les navets. Okay. Alors, les navets. Qu'il faut pas écouter. Ou qu'on peut écouter, mais pour... Sachant que c'est mauvais. Qu'on peut écouter, mais que moi, en fait, c'est pas tant un navet, c'est plus une déception. C'est plus des séries que certaines personnes pourraient aimer quand même, même que j'en ai une là-dedans que je sais que beaucoup de personnes écoutent, suivent, mais que pour moi, c'est une déception. T'avais mis la barre haute, peut-être t'avais des attentes, finalement, ça a C'est ça, réussi, ou que beaucoup nous met des attentes sur ces séries-là. C'est du alors, hype, du buzz autour de ça. Ouais, c'est ça. Puis que finalement, ben ça tombe. Ouais. C'est pas ce qui était vendu. D'accord. Donc, où je vous fais interagir, c'est que c'est vous qui allez choisir les catégories. Alors, par quoi on commence, par quoi on finit. Ouh. Donc, ça se peut qu'il y ait une catégorie que je fasse pas. J'en ai mis 4 pour avoir bien du jus, mais ça se peut qu'il y en ait qu'on fasse pas. Mais ou oui, que on je les fait. Jusqu'à 9h30. Okay. Oui, mais il y en aura d'autres des blitz, là. Ils reviendront. Puis, est-ce qu'il faut qu'on devine? Peut-être qu'on pourrait ajouter l'élément de peut-être qu'on pourrait deviner si ça a des affaires dans ta liste. Mettons, on a des affaires toi, tu veux pas qu'on dans finisse. Le fond, ça serait, dans le fond, ça serait un peu nos propres. Aussi. Soit incontournables, nos propres navires. Oui, ça pourrait être intéressant que vous nommiez justement des séries, oui, des rapides, vos séries à vous, là. Ouais. Donc, on commencerait par quoi? Par quoi, si on commence? Steph, je te laisse choisir. Mais non, mais moi, je vais en ordre. Les incontournables. Okay, les incontournables. OK. Alors, ma première que j'ai mis dans les incontournables, on en a parlé un peu ici. Je l'ai entendu une fois, puis je me trouvais bien coquin parce que je l'avais déjà écrit dans mon blitz. C'est Scrub. Ah oui? Alors, ouais. C'est To Bib or Not To Bib en français. Hey ouais. Eh boy. Ouais, hey boy, hein? Mais ouais, mais t'écoutes pas ça en français. J'espère que non. J'espère que non. Ben, moi, en fait, en français, la voix de JD, moi, je l'ai écouté en anglais et en français. Okay. Okay. Les deux, les gags rentrent assez bien, là. La première fois que je l'ai écouté en français, c'est parce que c'est une série qui a quand même terminé, je pense, en 2008. Je vais aller vérifier pour être sûr. Mais c'est une série qui, en français, je trouve, entre autres, la voix de JD, je la trouve plus drôle en français. Ah, OK. JD, je la trouve est plus nasillarde en français qu'en anglais. C'est le personnage principal. Oui, c'est le personnage principal, JD. Puis je la trouve vraiment plus drôle. Je trouve que ses gags rentrent mieux. Okay. Mais par exemple, Turk est plus intéressant en anglais. Elliot Cox, Dr. Cox. En fait, tu me dis ça, puis je t'arrête de me rendre compte, je l'écoute en français. Je l'ai plus écouté en anglais. Non, mais c'est parce que des fois, ça devient tellement naturel, soit de l'écouter en français ou en anglais. Mm-hmm. Je l'avais pas trouvé, en fait, en anglais cette soirée-là. Quand tu commences dans une langue, ben tu continues dans cette langue-là. Sinon, c'est perturbant. Là. Mais très bonne série qui, à la fin, a changé de réseau. Donc, à un moment donné, c'est devenu Scrubs Med School. Puis là, ben, les gens ont arrêté d'écouter puis ils considèrent que ça fait même pas partie de la série. Alors que moi, je trouve que ça fait partie de la série. Faut écouter jusqu'à la fin. La dernière saison, les deux les deux dernières, je crois, sont Med School. L'avant-dernière saison... Pour moi, c'était la saison qui est... En fait, c'est pas pour moi. Pour le réalisateur, pour ceux qui ont commandé la série, c'était la saison qui était supposée terminer cette série-là. Ouais. On terminait là-dessus avec JD qui changeait finalement... là, si vous l'avez pas vu, c'est pas ça. Ça finit effectivement en 2008. Là, puis ça, en tout cas, il change d'hôpital, vous savez pas pourquoi. C'est ça. Fait qu'il change d'hôpital, ça finit là-dessus, c'est vraiment beau. On a un... Ça aurait pu être... Oui, c'est classique aujourd'hui. À l'époque, c'était quand même beau, c'était quand même bien fait. C'était une belle fin. Puis on est revenu une saison plus tard ensuite. Moi, j'ai marqué dans mon blitz Scrub, sauf la dernière saison. Ok, parfait. Parce qu'il y a eu plusieurs... On va s'ostiner. On va s'ostiner longtemps, mais il y a eu plusieurs fois où c'était supposé terminer. Vraiment plusieurs fois, même plus tôt dans la série, c'était supposé se terminer. Ils l'ont écrit comme si c'était le dernier épisode, puis c'est revenu plusieurs fois. C'est une série qui est restée sur le qui-vive, jeu de mots, sur une série d'hôpital quand même. Hein? Mettons qu'ils l'ont ramené à la vie assez souvent. Mais c'est un peu, peut-être un jugement peut-être plus personnel là-dessus. Ça, je trouvais vraiment que l'avant-dernière saison terminait vraiment bien tout ça, qu'on venait vraiment bien conclure, on fermait toutes les parenthèses qu'il y avait à fermer, il n'y avait pas de personnages qui restaient en suspens ou de nouveaux personnages qui venaient d'apparaître qu'on savait pas c'était qui. Alors que la dernière, il y a plein de nouveaux. Hein. La dernière, il y a plein de nouveaux, on n'est plus dans l'hôpital, on est dans une école. Ouais. J'ai écouté les trois premiers épisodes, l'humour est est là, mais c'est est plus aussi efficace parce que là, vraiment, on est plus dans la grosse, grosse caricature. Et donc, quand que tout l'univers devient une caricature et qu'il n'y a plus de règles auxquelles on peut s'attacher, l'humour devient bon, un peu fat, farfelu, sans lien. Alors, c'est selon moi, mon avis, pourquoi que la dernière saison reflète zéro ce que le reste de la série était. Je suis sûr qu'il y avait eu une deuxième saison de la nouvelle génération, mais il y en a juste une, justement. Ouais, on parle pas de Degrassi. Non, c'est ça. Mais Scrubs, c'est ça, en fait, la série incontournable, c'est pour son humour. Bon, on n'a pas les rires en canne que dedans, c'est ça. Enfin. C'est pour son humour, vraiment, on va rendre hommage à toutes sortes de styles de séries télé, on va rendre hommage aux séries, aux comédies musicales, on va rendre hommage à ces séries, justement, au rire en canne. Sitcom, un épisode, oui, c'est ça, il y a un épisode qui est fait sitcom. Malade. C'est très bien fait, on est vraiment dans l'univers du personnage principal de JD, et c'est vraiment un univers, bon, bien sûr, c'est la médecine, alors quelque chose qui est très accrocheur, on rit de ça, et les gags sont très bons, en tout cas, moi, j'ai trouvé, j'ai tout le temps ri dans cette série. C'est génial. C'est dans la tête de Jimmy, puis c'est les comédies musicales. C'est un paquet d'affaires là-dedans. Il c'est ça, c'est original, c'est bien fait, comment c'est monté. Ouais, ouais. C'est une nouvelle façon un peu de montrer les gags avec JD qui pense à quelque chose, puis on voit qu'est-ce qu'il pense, puis on en revient. Ça fait décrocher. Je trouve que c'est vraiment au niveau des séries humoristiques, une des séries majeures dans le style humoristique. Ouais. Et ça reste très, très dramatique par moment aussi. Il y a des gens qui meurent assez fréquemment là-dedans. C'est très, très divertissant sur tous les aspects. Je pense que j'ai eu un des épisodes qui me marque, c'est un des épisodes où on parlait du suicide. Ouais. C'est une série drôle, comique, et on va parler du suicide, on va aborder le terme du suicide, et c'est ni lourd, ça reste un épisode qui est comique, et le message passe très bien, et c'est touchant. Je veux dire, Comment trouver mieux? C'est du génie, c'est Scrubs. Ouais. Le réalisateur, je m'en vais vérifier, mais de ce que j'ai vérifié, il n'y a pas d'autres séries qu'il a faites qui étaient aussi majeures que ça, selon moi. Il y a une série en ce moment qui c'est Cougar Town. Ouais, Cougar Town, c'est un assez grand succès d'estime, Cougar Town. Les critiques en parlent beaucoup. C'est des félins ou c'est des femmes? C'est des femmes. Ouais. Sur la petite parenthèse, là, Cougar Town qui est nommé justement pour les Cougars, où c'est des femmes plus âgées qui cherchent des plus jeunes garçons. Ça a duré quoi une demi-saison, puis c'est devenu juste une sitcom tout à fait normale à la Friends. Ah. Mais c'est très très bon, très estimé. Donc je dirais que c'est quand même assez majeur, Cougar Town. Ok. Quand même assez majeur. Ben j'en entends beaucoup parler, c'est pour ça que j'ai nommé Cougar Town. J'en entends beaucoup parler. J'ai essayé de l'écouter. C'est pas du Scrubs. C'est commencé par le début. Le début, comme je te dis, qui est pas nécessairement représentatif de ce qu'il y a après le Cougar Town. Ok. Faudrait peut-être j'insiste un peu plus. Prends un épisode un peu dans le milieu, là. Puis c'est comme Friends version alcoolisée plus. Oh boy. Comment ça, je te dirais. Ok. Ouais. Là, je regarde vite. En français, c'est Bienvenue à Cougar Town. Ça joue à genre moins compagnie ou télé, je pense. oui, genre. C'est pas la place pour ça, mais ouais. Comment pas. Autre série télé que j'ai placée dans les incontournables. Alors, on tourne sur une série télé québécoise, Les Invincibles. Oh! Selon moi, c'est vraiment... Détesté. J'ai pas accroché zéro. Ah. J'ai des gens qui ont pas aimé cette série-là que j'ai rencontrée, mais selon moi, c'est un incontournable parce qu'on vient vraiment... On rentre dans la mode, on est en plein dans la mode, morgue, comment t'as dit? Toi, il est resté à Scrub, lui. Oui, je suis resté à Scrub. Les Invincibles, on tombe dans la mode des plusieurs personnages principaux. Mm-hmm. On va suivre plusieurs personnages et des anti-héros. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on va se lancer sur les anti-héros. C'est une des séries au Québec, en tout cas. Parce qu'on parle pas de la version française qu'il y a eu, on parle de la version québécoise. Non, j'ai écouté un peu la version française. Je peux comprendre qu'en France, ça passe un peu mieux parce qu'ils ont vraiment changé, bon, le clash de culture un peu. Fait qu'ils ont changé, ils ont modernisé un petit peu pour que ça passe mieux en France. Mais vraiment, c'est la version québécoise qui reste la meilleure. Celle en France, des fois, c'est lourd. Là. Ah ouais. C'est mieux dans la version québécoise. Mais c'est à la fois drôle, à la fois tragique, pathétique. C'est curieux de voir l'évolution de ces personnages-là et je pense que pourquoi je l'ai placé vraiment dans les séries majeures, c'est pour la fin. Je trouve que c'est rare des séries qui réussissent aussi bien leur fin. Ok, tu me dis rien de plus que ça, par exemple. Voyons, tout le monde en a entendu parler. Ouais, tout le monde connaît la fin. Je connais la fin. Ouais, mais pas moi. Non, mais j'ai pas l'intention de le dire. Okay. Mais de ce que j'ai entendu, je considère aussi que c'était une façon intéressante de terminer. C'était la meilleure façon. C'est en fait. Très audacieux comme fin. Et c'est une très bonne fin. Et je pense que pour ça, juste pour la fin, pour l'histoire et pour l'évolution de ces personnages-là, je pense que ça vaut la peine d'écouter cette série-là pour comprendre comment des personnages peuvent être bien écrits, bien évolués. je pense que assez point de vue là, je pense que c'est une série qui a fait très bien évoluer ses personnages. Puis aussi, il y a le petit côté que c'était une série qui avait pas tant de budget que ça, ouais, au début. Alors, il s'arrangeait. Il y a une scène, entre autres, où on voit Carlos qui écrit à l'ordinateur, puis qui écrit une lettre à la main aussi. Puis on fait défiler la journée pendant qu'il fait ça. Ben, pour montrer que Carlos, pendant la journée, fait toutes sortes de choses, ben, on le voit dans différentes pièces en train de... Bon, là, j'invente, là, mais en train de cuisiner, par exemple, écrire un texte, écrire à l'ordinateur, et on a la caméra qui tourne. Sauf que pendant ce temps-là, on n'a pas fait des coupés. C'est vraiment l'acteur, qui marche en dessous des caméras quand la caméra elle tourne, alors qu'il court, il enlève ses pantalons, il s'assoit sur la chaise. Quand la caméra sort, il remet ses pantalons, il court dans le salon. C'est vraiment... Quand on sait ça, cette scène est vraiment impressionnante. Génial. Mais vraiment, c'est une série qui va nous avoir mis dans la tête des noms majeurs. Lynn Lapoffin, Richard. Tout le monde sait c'est qui Richard. Tu sais c'est qui Richard? Non, je connais Lynn Lapoffin. Écoute, j'ai zéro accroché, là. J'ai essayé de bannir ça de ma vie, là. J'ai vraiment pas aimé. Ça a l'air bon, hein? Regarde, chacun ses styles. Moi, exact. J'ai vraiment essayé. Comme j'ai dit, c'est vraiment des séries que je mets dans mes goûts à moi, mais... C'est surtout pour les raisons que j'ai nommées que Les Invincibles, je trouvais que c'était majeur pour la fin puis les personnages. Okay. Mon Dieu, les personnages. OK, cool. La prochaine, j'ai essayé de pas la mettre. J'ai fait, je pourrais tellement mettre autre chose, je pourrais en mettre une autre. Moi, j'avais une règle en me disant Les Incontournables, faut au moins que ce soit des séries qui sont terminées. Parce que c'est... Et oui. Parce que si c'est pas terminé, dans le fond, puis qu'on arrive... Ça peut devenir mauvais, puis ça peut... Ça peut changer en tout moment, puis on n'a pas le recul non plus avec ça. On est en plein dedans, fait que des fois, il y a le trip, puis avec le recul, on se dit, finalement, elle nous aurait... C'est la merde. Ouais, c'est ça, ça aurait été moins marquant qu'on aurait cru. Mais elle, je pouvais pas passer à côté, pour les raisons que je vais nommer Game of Thrones. Okay. Fait que, selon moi, série majeure, série qui réunit énormément de public. C'est quand même la série majeure de HBO avec Les Sopranos. Alors, et pourquoi moi je l'ai mis dans les séries Les Incontournables? On est le contraire des Invincibles. On est le contraire de quand je vous parlais de HeroCorp. Là, on est dans le très gros budget. C'est rare qu'une série est capable d'aller chercher autant de budget et capable de compétitionner les films et capable de compétitionner Hollywood. On vient de, avec Game of Thrones, de détruire la barrière entre les films à Hollywood et les séries télé. Et ça, c'est assez majeur, assez incroyable qu'on est capable de faire ça aujourd'hui, d'étirer sur aussi longtemps une série qui coûte aussi cher. On a des réalisateurs qui filment leur petit bout d'histoire et différents réalisateurs un peu partout dans le monde, parce que oui, on en a qui sont ailleurs dans le monde, qui vont aller filmer avec des acteurs qui se croiseront jamais finalement. Je pense entre autres à Daenerys qui se retrouve plus dans le désert, et à Jon Snow qui lui est complètement dans le contraire, qui est plus dans l'hiver. On a ces deux réalisateurs différents, puis ensuite à la fin, on vient coller ça ensemble. Et ça marche très bien. Le montage est très bien fait. Ça nous fait rêver. On en parle. C'est une série qui est assez dure à plusieurs moments. Je m'en allais dire ça. Ouais, ouais. Plusieurs moments, c'est assez dur. Est-ce que vous l'avez suivi? Moi, non. Pas non? Encore. Moi, je suis... Oui. Elle essaie de me convaincre depuis le début. Je vais... Le mois d'avril est très loin. Mais Game of Thrones est victime quasiment de son succès au niveau des gens qui l'ont pas connu, cette série-là, qui l'ont pas pris dès le début. Je pense, entre autres, à ma blonde dedans. Salut, mon ami. Bonjour, Claire. Je pense à ma blonde là-dedans qui arrête pas de se faire parler de Game of Thrones. Ben oui. Qui arrête pas de s'en faire... T'entends casser les oreilles avec ça. Le nombre de morts qu'il peut y avoir là-dedans, t'entends ça. Fait que tu veux pas savoir qui, tu sais. Des gens qui s'échappent, qui vont dire des punchs, tout le monde. Attache-toi pas à personne. Non, non. C'est le conseil qu'on peut donner. Attache-toi à personne là-dedans. Mais c'est un peu pour ça que c'est la victime de son succès. Les gens qui l'ont pas pris dès le début sont... Un peu par mépris pour ça, parce qu'ils sont tannés d'en entendre parler, donc ils veulent pas l'écouter pour donner raison si on veut. C'est tellement se priver d'une bonne chose, je crois. C'est tellement se priver d'une bonne chose. C'est tellement une série qui a beaucoup à montrer, qui a beaucoup à prouver encore. Le mois d'avril est loin. Wow. Oui. Donc, on a fait Scrubs, Les Invincibles et Game of Thrones dans la catégorie des incontournables. C'est à moi de choisir la prochaine. C'est sûr que je veux absolument qu'on parle de navets. Je veux vraiment les parler. Les navets. Vraiment, mais, c'est ma catégorie. Mais toi, Mathieu, c'est quoi ton incontournable? Mon incontournable à moi? Pas évident, il y en a beaucoup. Seinfeld. Probablement. Un incontournable. Mm-hmm. Faut que tu le regardes parce que c'est dans les drôles, les plus drôles séries du monde ever. Fait que je dirais ça. Toi? J'en ai trop. Ok. Une. Non, mais je n'ai trois. Je peux t'en dire trois? Vas-y avec les trois, rapide. Bon, Fresh Prince of Bel-Air. OK, oui, wow. Tu peux pas ne pas écouter ça dans ta vie, sinon t'as manqué quelque chose. Drôle de hein? choix, How I Met Your Mother. Certainement, oui. Tu peux pas passer dans les, à côté. Dans les sitcoms, moi, je suis pas capable de les rire en canne, fait j'en parlerai pas de sitcoms, mais je reconnais que How I Met Your Mother a clairement sa place là-dedans. Ouais. Clairement. C'est avec le intense. Recul, on va réaliser qu'il y a beaucoup de creux dans cette série-là, mais quand même, je trouve que c'est très, très bon. Mais c'est même. Une série que... Je m'en allais dire, il y a tellement de monde qui en parle. C'est tellement pas une bonne raison. Mais c'est une série qui, au niveau de la sitcom, juste pour l'originalité du concept, puis pour l'évolution des personnages aussi qui est à l'intérieur de ça, je pense que c'est assez impressionnant. Ça, c'est vrai. Ça, je vous le donne, mais en tant que tel, l'écriture laisse à désirer vraiment beaucoup dans cette émission-là, en général. Mais ça, c'est à mon avis. C'est une sitcom. Ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport. Va-t'en. Non, mais si on compare, par exemple, à Big Bang Theory, Big Bang Theory, on a le côté geek. Mais je pense que l'écriture de Big Bang Theory est beaucoup moins réussie que How I Met Your Mother. Vraiment. Okay. Mais tu sais, si on regarde un Friends aussi, il y a des creux. Ça fait qu'il y a beaucoup de sitcoms classiques comme ça qui sont pas linéaires. Alors que, mettons, moi, Seinfeld, c'est que t'as pas un épisode qui est mauvais, je trouve. À mon avis. Pas accroché, mais c'est pas ton genre d'humour, c'est ça. En tant que telle, l'écriture moi, est recherchée. C'est difficile. On passe au navet. Ah. Ouais. Navet, ok, navet. Les navets. Je vais pas commencer par ça. Bon. Comme j'ai dit, j'ai appelé ça des... On dit navets, mais c'est plus les déceptions. C'est pas en tant que tel des navets. Un navet, c'est vraiment la série qui est pas bonne, qui est fuyée et ça. C'est... Il y en a des complexe séries. Complexe G. Wow! Donc, ça, c'est encore... Non, faut le recul, elle va peut-être devenir excellente. Oui, peut-être que... Non! Hey, j'ai pas écouté Complexe G. Mais... On m'en parle, puis j'ai voulu l'écouter, puis j'ai écouté les premières minutes, puis j'avais de la misère. Écoute... Mais faut que j'écoute un épisode. J'ai été bonne. J'ai écouté un épisode et un tiers peut-être, puis à partir de la deuxième épisode je fais non, raconte la scène, raconte la scène, je peux pas croire que tu t'infliges ça, mais la scène avec le je sais pas si c'est un cochon d'Inde. Non, c'est ça. Là. Mais tu sais, c'est tellement des bonnes actrices qu'il y a là-dedans, je comprends pas ce qui s'est passé. Mais la fille, son cochon d'Inde est mort, OK? Mm-hmm. Fait que là, son amie, elle y arrive à la fin de la journée, elle y a empaillé. Tu sais, c'est vraiment gentil, là. Elle y a empaillé son cochon d'Inde. Sauf qu'elle l'a mis sur une espèce de moteur. Fait que là, il bouge puis il chante. C'est vraiment de mauvais goût. Mais finalement, elle l'aime et elle s'en va chez elle, tu sais, dans l'ascenseur avec son cochon d'Inde empaillé. Et quand les portes se referment, elle se met à embrasser son cochon d'Inde empaillé. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Non, c'est vraiment à chier. Puis. On retient même plus ces mots, genre. Puis, t'arrives. Non, non, non. Puis après ça, t'arrives dans le stationnement, puis. Oh, surprise! Elle l'échappe à terre, puis la fille qui lui a donné roule dessus en auto. Ah, c'est n'importe quoi. Mais c'est malaise par-dessus malaise. C'est overjoué. C'est désagréable. Je vais l'écouter, puis je vais revenir avec ça. Ouais, s'il te plaît. Tu viens de me donner les dix. C'est de toute beauté. C'est des vieux monos. Ici, on n'a pas de séries comme ça. C'est des séries qui s'écoutent bien. Dans les déceptions, c'est des séries qui s'écoutent bien en tant que telles. Mais c'est qu'on... J'ai vécu une déception par rapport à ça et j'essaye d'être impartial là-dedans et je crois que la série, dans ce qu'elle nous a vendu, crée une déception. Je commence... Eh hey boy, je commence... Non, on va commencer doucement parce qu'on va perdre du monde. C'est tranquille. Lazy Company, une série française. Okay. Lazy Company, on retrouve beaucoup d'acteurs de Game of... beaucoup d'acteurs de Game of Thrones dans cette série française. Wow. Beaucoup d'acteurs de Kaamelott, de HeroCorp. Okay. C'est à peu près la même gang. On a essayé de faire à peu près le même style d'humour, mais sans les deux frères Astier. Fait que c'est un autre réalisateur. C'est plusieurs scénaristes qui sont dessus. Je crois que dans certains épisodes, ça change de scénariste. Puis on a des petits épisodes. On essaye de faire une histoire avec ça. Pourquoi la déception? On essaye de nous vendre justement que ça va être une série qui va être drôle, où on est sur la Deuxième Guerre mondiale, où on nous vend une gang, la troupe, la Lazy Company, qui va être pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui... veut pas se battre, qui a peur de la guerre, mais qui malgré elle va créer des événements en chaîne qui vont aider les troupes alliées à avancer. Mm-hmm. C'est quand même vendeur quand on regarde ça, quand on regarde que dans le résumé même c'est marqué cette compagnie fuit la guerre et c'est des fuyards tout. Moi je l'ai vraiment écouté en m'attendant à voir une série où on aurait un peu du drame, un peu comme à la Scrub si on veut, là, certaines passes de drame. Pas du tout. On est dans la grosse caricature. Le colonel, il crie, il crache. À part crier, cracher, ses traits de personnalité sont zéro. La Lazy Company, on a un nerd, on a un gars qui veut absolument se battre, qui est un peu plus capitaine, un peu plus leader. Un gars un peu mal dans sa peau. Fait qu'on a vraiment du classique. C'est très absurde, très grossier. Ça marche plus ou moins avec le terme de la guerre, avec le terme de ce qu'on nous a vendu justement avec le résumé. J'ai été un peu déçu de cette série-là. Et surtout qu'on voit plein d'acteurs qui ont joué dans Kaamelott et HeroCorp et on se dit, mon Dieu, bon, on a des attentes par rapport à ça. Non, non, c'est pas la même humour. C'est pas aussi efficace. Dommage. Donc, je l'ai écouté. Ça m'a étiré un sourire. J'ai trouvé ça sympathique. Mais je n'irai pas plus loin dans cette série-là. Au bout de... J'ai fait 6 épisodes de cette série-là. Je n'irai pas plus loin. Ah. C'est bon, 6. Ouais, t'es patient. Ça, c'est de sa chance. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a tellement de séries. Je pense entre autres à Once Upon a Time qui, je pense qu'au début, est très, très faible. Mais qui change tout vers la fin de la saison 1 et que là, ça devient une série qui est vraiment, waouh, très accrocheuse. Je pense, entre autres, que les 3 premiers épisodes sont très difficiles à écouter, très lourds, là, très lourds dans le sens qu'ils sont plates. Sont plates, ouais. On va se le dire, sont plates. l'autre série, bon, là, je me ferai pas d'amis, on commence un petit peu plus rough. Vikings. Ah, OK. Moi, j'ai mis Vikings dans les déceptions. Série qui était supposée avoir un budget aussi gros que Game of Thrones et qui était supposée compétitionner Game of Thrones en termes d'auditoire. Finalement, la série a baissé son budget au niveau de la saison 2. La saison 1 est très bonne. Écoutez la saison 1, ça vaut la peine. Je suis dans la saison 2 et j'adore ça. Ah ouais? Ouais. Ben, la saison 1, j'ai trouvé ça très bon. J'ai trouvé la fin un peu spéciale. La saison 2... Moi, ce qui me déçut vraiment, c'est le début de la saison 2. Je trouvais ça long, je trouvais ça... Là, je trouvais que la relation avec... Je trouve que c'est la relation avec les personnages qui, oui, on est dans un terme viking, oui, c'est des personnages qui sont dans un monde viking, mais je trouvais l'évolution des personnages vraiment difficile à suivre à ce niveau-là, de savoir de... Bon, sa femme... OK, d'un coup, sa femme, elle veut plus rester avec, elle quitte. Moi, j'étais rendu là, vraiment... Je parle vraiment du début de la saison 2. Sa femme, elle veut plus rester avec lui, elle quitte, elle part avec ses enfants, son... C'est un peu brouillon. Je pense que quelqu'un qui connaît beaucoup la culture viking doit s'y retrouver un peu à l'intérieur de ça, mais quelqu'un qui s'y connaît un peu moins, entre autres moi, qui faisait aucune recherche sur la culture avant d'écouter cette série-là, la série est supposée la vendre, justement. C'est ça, comme le public ferait normalement, ils vont pas s'enseigner là-dessus. On l'explique pas, c'est pas ouvert à ce niveau-là. Je suis pas un public qui est gagné d'avance au niveau de toute la culture scandinave, même si je trouve ça très intéressant, mais je trouve que c'est peut-être un petit peu moins vendu, un peu moins mis en avant. C'est l'évolution des personnages que je trouve qui me griche un peu. Moi, ça manque de sexe peut-être aussi par rapport à Game of Thrones. Mais oui, on essaie de compétitionner Game of Thrones, puis il n'y a aucune scène de sexe. Ben là, franchement. Là. C'est pas vrai, ça, qu'il n'y a aucune scène de sexe. Non, C'est pas vrai. Il y en a, mais ils sont tellement moins hardcore. mais ils donnent dans le hardcore ailleurs que dans le sexe. Ah, d'accord. Oui. Mais il y a des combats, mais je pense que c'est ça. Il y a certaines scènes que j'ai vues. Il y a ça aussi. Il y a certaines scènes que j'ai vues. On essaie d'être hardcore. Je pense entre autres au chef de village dans la saison 1. On essaie d'être hardcore. On essaie de faire des revirements de situation. C'est pas aussi fort que Game of Thrones. Et là, je compare beaucoup à Game of Thrones parce que c'est ça que les producteurs nous ont dit au début. Ben c'est nous ça qu'ils vont dire. C'est la série qui marche le plus. C'est ça que tu vas comparer à ça. On nous a dit, il y en a une autre là en ce moment que je suis en train de regarder, mais c'est tellement se tirer dans le pied. Ouais. Une série qui fait ça, c'est se tirer dans le pied. C'est dur de se comparer à quelque chose d'aussi gros parce que tu peux pas atteindre la même chose. Là. Ben, c'est pour ça qu'il faut pas le faire. C'est rare. C'est exactement ça. Si tu le fais et tu le réussis par tes propres mérites, tant mieux pour toi, mais commence pas d'aller départ en disant ça. Mais moi, j'ai pas entendu cette comparaison-là. Moi, j'ai pris cette série-là pour se caler. Ouais. C'est tout. Puis moi, j'adore les personnages. Je suis vraiment très attachée. J'aime beaucoup ce qui se passe. Puis pour vrai, moi, je suis très, très, très satisfaite de cette série-là. Je l'ai dit qu'il y avait des gens qui allaient être fâchés. Est-ce que j'ai l'air fâchée? Pas du tout. C'est que t'as l'avantage. Moi, j'écoute quelque chose Lance chez nous. Mais Steph a l'avantage d'écouter une série un peu, je dirais, avec un léger recul, dans le sens que tu as l'air de regarder, tu me diras si j'ai tort, mais la série, une fois qu'elle est arrivée, que la saison est complétée, tu la regardes, tu vas pas te renseigner, tu vas pas regarder un paquet de bandes annonces, tu vas pas regarder la chaîne parce que je sais que tu m'as dit que c'était pas pas important pour toi la chaîne qui diffuse une série? Non, pas du vraiment tout. Pas, alors que pour moi ça l'est vraiment beaucoup parce que je regarde ces chaînes-là, pas maintenant, pas le cas, mais c'est que là tu vois tout le buzz qui est autour sur le réseau puis sur les réseaux sociaux. Non, c'est ça, c'est vraiment détaché. Ça a l'air intéressant, je vais l'écouter puis le mais le qu'on s'entende, mon j'ai un de mes amis qui lui a pas du tout accroché à Vikings, moi je vais l'écouter Vikings, je vais l'écouter, c'est drôle de ça. J'ai écouté la saison 1, j'ai écouté la moitié de la saison 2, j'ai décroché malheureusement, mais je vais la finir la saison 2, je vais probablement suivre la saison 3, c'est une série qui vaut la peine. Qui commence la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Ce que je reproche à cette série-là, c'est vraiment le fait de savoir comparer à Game of Thrones, puis les côtés, on essaye de faire du Game of Thrones. Ouais. Fait que tous ces petits côtés-là, il y en a une autre qui vient de commencer, c'est Marco Polo. Fait que qui fait ça se passe dans une piscine? Ouais! Marco! Polo! Je vais vérifier si c'est ça. C'est drôle. C'est Polo. Mais dans les nouvelles séries. Mais c'est ça, cette série-là. C'est alors, Netflix, Marco Polo. Je sais pas si c'était ça que tu cherchais. Oui, oui. Ouais. Okay. Dans le fond, cette série-là, on commence et aussitôt qu'elle sort, la première chose qu'on nous dit la semaine avant que ça sort, c'est. Ça va arriver, ça va être au même terme que Game of Thrones. On va compétitionner Game of Thrones, on va voyager beaucoup, on va voir beaucoup de choses. Faites pas ça, faites vos propres séries. Mais c'est ça, de toute façon, on veut pas un autre Game of Thrones. Non, c'est ça, on veut une série authentique, qui a sa propre personnalité. Moi, je veux dire, si tu me fais une copie d'autre chose, ben ça m'intéresse pas. L'autre série que je trouve que... Bon, là vraiment, là, je me ferai pas d'amis. Tu vas me protéger quand la je vais sortir. La porte est barrée. Ouais, c'est barrée. Bon. C'est pas la série en tant que telle. C'est une série que j'ai dans mon cœur que si ça continue comme ça, je vais probablement la mettre dans les incontournables un jour. C'est une série que j'aime beaucoup. Fait que ça fait drôle à dire parce que c'est une déception. Mais ouais, je suis pas sûr. Là. Mais c'est une saison de cette série-là j'ai mis. C'est une saison que j'ai pris, que j'ai fait « Non, je ne comprends pas comment ça le passe. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes. » Et j'en ai quelques-uns qui m'ont dit que c'était leur meilleure saison. Je les ai giflés. la saison 3 d'American Horror Story. OK. Avez-vous écouté American? Non, malheureusement. Bon. Mais c'est sur ma liste. Ça ne sera pas. C'est sur ma liste aussi. Mais c'est la série qui, à chaque saison, a des acteurs en commun. C'est une anthologie. Oui, il y a des acteurs qui reviennent, qui repartent. Ils reviennent, on change d'histoire à chaque fois. C'est une histoire complètement nouvelle. Ouais. La saison 1, on était dans une maison hantée. Alors, vraiment, au niveau de la maison, on avait des fantômes dedans. C'était un peu gore. Et à la fin, certains, ce qu'on pouvait reprocher peut-être un petit peu plus, mais en même temps, bon, je trouvais que c'est simplement parce qu'on apprend les règles de cet univers-là. À la fin, la maison hantée est un peu plus drôle, un peu plus confortable. Parce que c'est une série qui veut que tu sois inconfortable. Il y a un fantôme, c'est un bébé, là, un bébé mort là, dans la saison 1. C'est ça. Puis, trash, on le voit dès le début. Fait que tu fais comme, oh mon Dieu. Fait que c'est ça. Fait qu'on veut que tu sois inconfortable en écoutant ça. C'est vraiment un grand hommage aux films d'horreur puis aux règles des films d'horreur. C'est très bien fait. Saison 2, on corrige le petit problème de la saison 1. T'es inconfortable du début à la fin. On est dans une asile psychiatrique. Alors, on va faire un parallèle entre la vie d'aujourd'hui et la vie dans l'asile psychiatrique. C'est très bien fait. C'est très glauque. L'univers est très sombre. On est tout le temps dans le noir, ou presque, sauf quand on... sauf quelques moments où on est beaucoup dans la lumière, mais il y a une raison pour ça. Écoutez la saison si vous voulez savoir pourquoi. C'est selon moi la meilleure entre les trois. J'ai pas écouté la 4 là, qui vient de commencer. Okay. Mais je pense qu'il y a plusieurs épisodes là, qui viennent de sortir. Là. Mais la saison 3... On est avec des sorcières. Alors, on veut parler, entre autres, des sorcières de Salem. On veut rendre un peu un hommage aux sorcières de Salem, si on veut. On va vraiment se retrouver dans le même univers. Mais là, vraiment, on va avoir de la sorcellerie pour vrai. On va avoir des gens qui vont faire de la nécromancie, d'autres personnes qui vont faire plus du vaudou. On va se retrouver vraiment avec différents styles de sorcières, magie blanche, magie noire. Bon, vous voyez un peu le topo. C'est d'un ridicule, c'est ridicule. Je vous explique une scène qui reflète selon moi pourquoi c'est ridicule. On a un méchant, qui le gars imagine un méchant, c'est un tueur en série qui tue des sorcières, ok? Fait que il arrive dans une maison où les sorcières sont toutes regroupées finalement, c'est toutes des comme une école de sorcellerie. c'est vraiment comme une école de sorcellerie, okay. Au début. Fait que Brett en partant, tu fais voyons. C'est pour les enfants cette mission là, non? Non, c'est dirait. Ça. Mais là c'est comme des jeunes ados qui sont là qui contrôlent pas leur pouvoir, mais là on a ce tueur là en série qui veut les tuer, ce tueur là en série qui tombe en amour avec une des sorcières qui est comme un peu pas fine finalement, qui est dans cette maison-là, qui contrôle cette maison-là. Et finalement, quand il arrive pour se venger parce qu'il vient de se faire un gros coup, il est vraiment en colère, il rentre dans la maison, il veut les tuer avec son couteau. Il y a une des sorcières qui le propulse contre le mur, puis là, elle va pour finalement l'achever. Et t'as les jeunes, les adolescentes, qui font « Non, on va s'en occuper », qu'ils prennent et qu'ils l'emmènent à part dans une pièce à côté, alors que l'épisode d'avant, ils en avaient toute peur, puis ils voulaient pas l'approcher, puis ils voulaient rien faire avec, ils voulaient pas avoir affaire à lui. Pis là, ils vont le torturer. Wow. Pas de cohérence là-dedans. Le méchant fait comme plus peur. Le méchant est super faible d'un coup. C'est supposé être un fantôme immortel, puis il se fait torturer. Ok, hein? On a une tête. À un moment, on a une tête qui mange des hamburgers. Une tête. Une tête coupée. C'est une tête, ouais. Assis. Hey, je suis drôle aujourd'hui. une tête coupée qui est sur une chaise et qui mange des hamburgers. Pour aucune raison, genre. Pour le fun. Pourquoi le faire? Oui, c'est ça. Parce que quelqu'un, dans le fond, qui arrive, puis qui, bon, elle lui a tranché la tête, mais la tête continue de vivre, puis elle nourrit avec des hamburgers. Wow. Voyons donc, c'est une série d'horreur. Oui. C'est une série d'horreur. C'est supposé être inconfortable. Je veux être inconfortable. Mais c'est inconfortable, une tête qui mange des hamburgers? Oui, il va prendre des poils. J'ai pensé des mauvaises nuits, mais pas pour les mêmes raisons. Il va engraisser des joues. C'est tout. Mais c'est ça. Je trouve que la saison 3 d'American Horror Story est une saison à oublier. Je trouve vraiment que c'est pas rendre hommage au film d'horreur. C'est absurde. C'est même pas drôle. C'est juste hyper absurde. C'est hyper... Ah! C'est la saison qui s'appelle Coven, pour ceux qui écoutent par nom de saison. Ils ont un nom de chapitre. Oui, pour chaque. Je les connais pas par cœur, mais oui, effectivement. Murder House, Asylum, Coven et Freak Show. Asylum. Ouais, Asylum. La meilleure, la deux. Asylum. Ben oui, la deux. Ouais. Je regarde ça. Je regarde ça, puis sur la marque dans une autre catégorie. Il y en restait-tu une dans celle-là? Il y en a peut-être une que je peux faire rapidement pour terminer. Je peux la faire en 5 minutes. Super intéressante. C'est les séries aux concepts étranges qui sont à venir ou qui sont récentes. Okay. Fait que Cours, c'est pas sorti encore. Fait que c'est des... On résume Cours, chacune des séries. Une qui a commencé, on a plusieurs épisodes, je pense qu'il y en a 8, mais c'est tout récent. Ça date là 2015, fait que ça sort à chaque semaine en fait. Et depuis 2000. Comme une vraie émission de télé là, classique. Oui, qui oui, joue c'est en ce moment live. Ça s'appelle, j'en ai parlé un peu hors ongle avant, Galavant. Oui. Alors, oui. Ah, la série musicale, ça, hein? C'est une série. Alors, dans le fond, je vous fais le topo. C'est une série, dans le fond. Alors, on a un chevalier, un prince charmant, qui se retrouve contre le roi Richard, qui lui a volé sa femme. Il veut aller chercher sa femme. Alors, il va aller la chercher, mais il réussira pas à la reprendre. Et finalement, il va devoir, au bout de plusieurs années, il y a une servante. Si on peut dire ça comme ça, qui va venir le chercher pour le convaincre d'aller rechercher sa femme finalement, d'aller repartir en quête avec elle pour aller rechercher son honneur. Alors il va traverser des forêts, il va se battre contre des dragons, il va se battre contre des monstres, il va se retrouver dans des tournois de chevalerie. C'est vraiment du conte de fées, un peu classique qu'on veut nous mettre, le prince charmant, la reine, le roi méchant. Mmh. La reine là, qui va aller récupérer, vous allez voir qu'elle est assez spéciale, déjà le début du premier épisode. Ce qui fait que cette série est quand même un peu au concept étrange, c'est une série musicale. Alors, c'est une comédie musicale tout le long, c'est des 30 minutes alors, de là, comédie. Là. Des 30 minutes, ok. Parce qu'il y a eu une série musicale dans le début des années 2010. Ugly. Avec. Non, mais une autre, un petit peu plus dramatique, vraiment été un flop total. Mm. Donc, j'ai hâte de voir si celle-là va fonctionner. Mais Galavant, ça se veut comique, ça se veut absurde. Ouais. Ils veulent jouer avec le fait que c'est une comédie musicale pour rendre ça absurde, justement, pour rendre ça conte de fées. Je pense que la série. Pourquoi le musical dedans? C'est pour rendre un peu conte de fées à la Walt Disney, finalement. Ouais. et on rit un peu de ça, on rit un peu du musical qui est dedans. Je trouve ça très bien fait. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas le musical. Il y a beaucoup de personnes qui y entendent, comme ils disent musical, ah non, ils se ferment. Ah, je comprends pas. Essayez de juste écouter, voir le style. Laissez-y une chance. C'est le genre de série. Même moi, c'est pas la chose qui m'accroche en partant. Mais de laisser une chance à cette série-là, je pense que ça vaut la peine parce que mon Dieu, il y a des gags qui sont à mourir de rire dedans. Là, c'est, à date, moi, je trouve ça très bon. Ah, très bon. Moi, quand il y a de la musique puis ça change, pour moi, c'est vraiment une coupure qui me perd totalement. J'accroche. J'accroche juste vraiment pas. Je pense que le seul... peut-être le seul film avec un peu de musique qui passait, c'était Robin des Bois et Roux en collant. Oh boy, okay, on s'entend, c'est limite. Là. Ouais, hein. Si on passe à une autre suite, The Last Man on Earth. Ça, je suis pas sûr. C'est un gars de Saturday Night Live, Will Forte, qui joue là-dedans. Il joue le dernier homme sur Terre. On est en 2022, l'homme se retrouve tout seul sur Terre, il sait pas pourquoi, il va faire son épicerie, puis au bout d'un moment, il va s'ennuyer, fait qu'il va chercher des gens. Ouais, mais c'est ça le topo. Puis là, sur Internet, Fox n'arrête pas de sortir des communiqués de presse disant qu'ils ont réussi à booker un artiste invité ou un ci puis un ça. Là, on fait comme, OK, dernier homme sur Terre, un artiste invité, OK, encore un autre, des grosses vedettes, OK. Je sais pas combien de temps ça peut durer, il me semble. Exactement, je suis un peu d'accord avec toi. J'ai peur un peu de ce que ça va donner. Ouais. Je vais y laisser sa chance, je trouve ça curieux. As-tu vu la bande-annonce? Oui. C'est malaisant un peu, je trouve. C'est long. C'est bizarre. Je m'attendais pas à ça quand j'ai vu. Ouais, je m'attendais pas à ça quand j'ai vu la bande-annonce. Je m'attendais vraiment comme... Je sais pas à quoi je m'attendais. Quand j'ai vu ça, le topo, je m'attendais vraiment à quelque chose où on voit un peu dans le post-apocalyptique. Ouais. Mais ça semble pas être ça non plus. Non. Ça semble pas être... On tend pas vers les zombies, là. Y a pas de zombies là-dedans. Je pense qu'on a dit que c'était un virus. Peux-tu? Ouais. Je suis pas sûr non plus. Je pourrais pas te confirmer. Pour l'instant, moi, vraiment, le seul topo que j'ai, c'est la bande-annonce que j'ai vue. L'homme, on le voit, entre autres, je sais qu'on en a une autre où on voit l'homme marcher sur la plage. OK. Dans un stade de baseball. Mais c'est toujours ça. C'est toujours... Il marche, puis il parle pas tant. Y a pas de... On dirait que c'est... trop silencieux. C'est vraiment très silencieux. À date, là, c'est trop silencieux. Fait que je sais pas si c'est là-dessus que mais ça mais il y a un buzz autour, vraiment. Il y a un gros buzz. J'en entends beaucoup parler en ce moment. Oh, ça a du potentiel, mais il faut qu'il se passe quelque chose de plus. Puis c'est sûr que ça s'appelle Le Dernier Homme sur Terre. Ça veut pas dire que c'est le dernier homme. Parce que sûrement que le deuxième épisode va avoir des effets. C'est même le premier. Une invité spéciale. Des invités. On les a tous disponibles. On sait tous c'est qui, mais on sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est ça, c'est ça. Peut-être des rêves. Bouger une chaise. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils se mettent à chanter. On sait pas. Dans des rêves. Dans ça des ça rêves. Va être bon. J'ai dernière série avant de terminer, finalement. Moi, je vais l'écouter de la semaine. Oui, on va l'écouter pour voir un peu ce que ça donne. Mais la dernière série, mon Dieu. Je vais l'écouter. Je vais l'écouter. Mais bon, les zombies. On est-tu tanné des zombies? Oui, un peu. Hein? Un petit peu. Il y a beaucoup qui commencent à avoir leur écœur en titre des zombies. Moi, un peu, pour vous dire, Walking Dead, je suis en retard à cause de ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait une pause zombie. Bon, on revient encore avec des zombies. Fait qu'il y a une série qui a pas débuté encore, on revient avec des zombies. Ça s'appelle E-Zombie. Fait que I-Zombie. OK. Je vous fais le topo. C'est pas intéressant, celle-là. Hein, je vais voir, c'est drôle. OK. Je sais pas si c'est pas... Non, dans, en tout cas, dans... en tout cas, après le topo, je crois tellement... Okay. Je sais pas. En tout cas, c'est pas pour enfants. Parle-nous-en. OK. E-Zombie, je vous fais le topo. C'est une étudiante qui devient une zombie. Et qui se trouve un travail comme médecin légiste là, pour les cadavres, finalement. Et pour se nourrir, va manger la cervelle de ces cadavres-là, en étant une légiste. Okay. Mais en mangeant les cervelles, elle va récupérer leurs souvenirs. C'est comme un genre de Kirby, mais... C'est ça. Puis là, on n'est pas vraiment le zombie, là. On est vraiment quelqu'un de fonctionnel, tout de ce que je comprends, qui va manger des cervelles, qui a juste une envie de manger de l'homme. Finalement, c'est plus un cannibale, là, quand je m'écoute. Et elle va manger des cervelles, et elle va récupérer leurs souvenirs, et il y a deux inspecteurs qui vont s'allier avec elle pour résoudre des meurtres. Mais la raison que je dis que c'est pour adolescents, c'est que c'est sur la même chaîne que toutes les Smallville, c'est sur CW, donc Smallville, Vampire Diaries, tu sais, des trucs comme ça pour les jeunes filles. Okay. C'est pas pour moi. D'après moi, il y a peut-être un petit côté trash, mais ça va rester très très eau de rose d'après moi parce que c'est CW. Mais je vais. En même temps, c'est eux qui font The Flash en ce moment. Fait que, tu sais, ils font tout, tu sais, en ce moment. Juste en partant, c'est même pas, je me pose même pas comme question, ça va-tu être rose, ça va-tu être gore, je me pose... Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai lu le topo, puis vraiment, je suis incertain. Je suis très, très, très incertain. Je suis mitigé à savoir... Je trouve que là, on sort du policier à du zombie, puis on essaie de mixer deux séries populaires en ce moment. je sais pas ce que ça va donner, mais je trouvais le concept tellement drôle, tellement étrange, ouais, que j'avais pas le choix. Fallait que je le mette. Je me corrige pas parce que ça reste vrai ce que j'ai dit, mais c'est eux qui font en ce moment The Flash et Arrow. Les deux en même temps. Et ben, Vampire Diaries, font... Supernatural. Okay. C'est sûr qu'ils font les deux en même temps. Ouais. Il y a des crossovers. Ouais, non, j'avoue. Mais ça risque d'être assez léger devant. Je savais pas qu'il y avait des crossovers. Oui, ben c'est ça, très léger, d'après moi. Peut-être. On sait pas, on va voir. On va voir. Et voilà. C'était fantastique, ça. C'était, je pense, à date, la formule, là, vraiment est cool de ça. Vraiment, cette formule-là. Mais merci. Refais ça quand il reste d'autres quand je saurais pas quoi faire. Là. Là, c'est ça. On saute mais là, les recommandations. Moi, je suis quand même très, très impatient de savoir les séries de l'autre catégorie. Tortoni, les catégories. Morte dans l'œuf. Ouais, Morte dans l'œuf. Ah oui. Je voulais savoir si la mienne était dedans. Parce que j'avoue que toutes les séries que moi je regarde, c'est des séries qui n'ont pas duré longtemps. Habituellement, c'est bien, bien rare que ça dure longtemps ce que je regarde. Tu regardes juste la. C'est ça. Va donc avec ton. Merci, Frédéric Bernard. Ben, ça fait plaisir. Crackpot TV, on fait ça les mercredis à 8h30. Genre ça, 8h30, ouais. À la semaine prochaine, Frédéric. Ça va être malheureusement la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Oh. Oui, après tout ça, Colin. Ah, mais je pense qu'on a bien vécu jusqu'à notre mort. On va être de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Mm-hmm. Plus tard, aujourd'hui, sur nos ondes, à 11h, le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, ce sera le marathon Mathieu Plante avec le Mathieu Plante Show et Mathieu Plante à 13h et les palmarès et fous à 15h. À 18h, c'est Audiomatique, l'émission de musique électronique. Et 19h, finalement, c'est les Audacieuses avec leur découverte musicale. Mais dans quelques instants, à 10h, dans une demi-heure environ, ce sera les filles de Cool d'être ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. C'est l'émission des sages-femmes. Maya, c'est malade, ça? Malade. Ouais, demain, à l'émission, qu'est-ce qu'on a? Laurent Constantin et Marie-Laurence Audet. Voilà. Oh. Voilà. On remercie Cindy Gilbert, Frédéric Bernard, toi, Stéphanie Paradis. Mais toi aussi, Mathieu Plante. Merci. On se quitte avec une pièce musicale, ça te tente-tu? Ouais, OK, c'est pas une comédie. Ah, ah, j'aimerais ça avoir. Ah, j'aimerais vraiment ça. Oh non! Ah, j'aimerais ça. Mais celle de Galavant. Est-ce qu'on a ça? On a-tu ça accès, facile d'accès? Il y a ça sur YouTube. C'est un peu leur bande-annonce, finalement, pour Galavant. Fait que je pense que ça va tomber direct dessus. On écoute ça. Ah, top. Hey, il y a la chanson thème. On écoute la chanson thème? Ça va être encore ah, mieux. Ah oui, vas-y. Ah oui, vas-y. Chanson thème, Cast of Galavant. Donc, la distribution de Galavant dans leur pièce titre. Known as Galavant. Square jaw and perfect hair. Oh, he's out to there. There was no hero quite like Galavant. Tiny value. Less than him, he'll disembowel you. Yay, he ruled in every way. A fairy tale cliche. And people call him speaking of, he had a lady love, and Madalena, she was one fair maiden. Long legs and perfect skin, a body built for sin, with cleavage you can hold a whole parade in. Ah, true love was never this ecstatic, nor as wildly acrobatic. Yes, he loved her to excess, thrice daily more or less, and she'd be screaming, Galavant! One tiny problem soon would arise. Richard, a nearby king of wealth and stature, he watched Madalena lust in his eyes, and he asked her for her hand. Well, more like a demand. Well, more like how his henchmen snatch her. Which brings us to today, the royal wedding day. No one can stop it now but Galavant. Oh, Madalena waits behind King Richard's gates for the arrival of her Galavant. Now, at last begins a true adventure. Epic, wild, a real butt clencher. So, huzzah and tally-ho, sit back and here we go. Attend the tale of